Attends, complément, adjectif, qualificatif, puis le complément, il est circonstanciel de lieu. C'est ça, oui. Mais un seul complément qui est circonstanciel de lieu. C'est bien ça. Ouais, mais là... Ben là, tu décides, là. C'est toi le journaliste là-dedans, là. Ben oui, mais c'est toi qui m'as imposé des affaires. Bon, ben OK, c'est ça. Fallait qu'on brûle 2 minutes. Fait que c'est fait, c'est brûlé. De belle façon. Ben, il fallait un test de micro. Fallait là, tirer le temps. Là, on fait sa tête. Toi, tu fais ton speech. Après, Bruno fait en manchette s'asseoir. Puis moi, j'ai la toune d'introduction qui est chargée à bloc. Excellent. Fait que tout le monde est prêt? Il marche aussi, ouais. Oui, oui, ton micro fonctionne très bien. On va peut-être voir un petit peu le volume, par exemple. T'as pas la même voix que Tommy. Oh, yeah. 1, 2, 3, 4. Bon, fait qu'on est prêt. On passe ça. FM Puissance Musicale. Oh yeah! Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon lundi et soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de 70%. Merci d'être sur place avec nous et pour ceux qui nous écoutent via Ustream ou encore en podcast, eh bien 70%, ça se passe le lundi au Brouhaha, 5860 de Lorimier à Montréal. C'est au métro Rosemont et c'est dès 19h à compter de la semaine prochaine, le 16 février. Nouvelle formule, Tommy va vous expliquer ça pendant l'émission d'aujourd'hui. Et ce soir, l'invité d'honneur de 70%, c'est un comédien, humoriste et auteur. Nous avons le plaisir de recevoir Ghislain Tachereau, individu, mesdames, messieurs! Merci. Et bien sûr, il sera assis à la table de 70% tout au long de l'émission. À la gauche de Dieu. À la gauche de Dieu, c'est bien ça. Ne manquez pas la soirée visionnement gratuit douteux.org. C'est tout de suite après 70%. Ça se passe encore avec un duo de VJs ce soir. Des recrues, moi-même Yannick et Cussonnet, sont vos VJs de ce soir. Et dans le premier set, on pourra y voir des bons et des moins bons moments de notre invité lorsqu'il était à la télé. Le film de ce soir, Tommy, c'est quoi? Oh boy. Ouais, le film de ce soir s'appelle Break-In, c'est une version française, faut pas se leurrer, c'est un classique underground, une bombe que la MGM a pas comme su calculer. Ça date de 1984 et ça a tellement pogné qu'ils ont fait le 2 en 1984. C'est un film de danse avec du fluo et je vais terminer là-dessus. C'est la première apparition au cinéma de Jean-Claude Van Damme. Il est pas là longtemps, mais Chris, qu'il est habillé serré. Oui, et on vous rappelle que lancer des projectiles aux êtres humains est interdit et je vous dis que c'est moi qui a ce soir choisi le film. Encore une fois, merci d'être là chaque semaine. Mesdames, messieurs, place au spectacle. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle des joies de la religion, des joies du kidnapping et des dangers des fruits. Pourquoi donc se donner à fond dans un projet quelconque? Pour s'épargner la déception, c'est plus sûr d'y aller doucement. Un tout petit peu, c'est mieux que rien. Contentons-nous en les copains. Ensemble, on donne notre 70%. Ah! J'ai la famine pour construire des pays en ruine. C'est bâtir un monde utopique pour gagner la paix et l'harmonie. Si on se donne au maximum, ou pas si vite, on donnerait pas plus que nos 70%. C'est devenu ma philosophie, j'espère que ce sera la vôtre aussi. Toujours donner au plus en 70%. Tellement, à chaque fois j'entends le Willem Scream dans la et je trouve ça fabuleux. C'est Maté Luna qui nous a fait cette toune thème-là. C'est, je pense que c'est notre 9e à 70%, ce qui nous en fait une par année. Faut dire qu'il y en a une qui nous vient de Polyp, un band qui n'existe plus et qui a... Ils ont appelé... Ouais, c'est drôle. Ils ont appelé leur toune 70%, mais on était là avant, fait que c'est une trame sonore pour nous autres, là, tu sais. Donc, 70%, on a eu un gros meeting ce dimanche. Je commence avec ça l'émission de ce soir. Gros chamboulement dans votre lundi soir. On a décidé de focusser sur le travail de nos bénévoles pour votre bonheur plutôt que sur la formule qui mettait surtout au centre du lundi un long métrage qui a été fait par quelqu'un que personne connaît. La formule est vieille de 8 ans. On est en train d'amener un changement à un monolithe qui est vieux de 8 ans. À partir de lundi prochain, donc, les VJ seront au centre de notre soirée. Non plus les longs-métrages. En gros, le nouvel horaire, ça va être qu'à 17h30, on va encore écouter un long-métrage très douteux. La semaine prochaine, j'ai l'impression que ça va être soit l'école de ski s'en va en l'air ou Space Mutiny. Je suis en train d'en parler entre mes deux encéphales. Sinon, on va être 19h, on va continuer avec 70% enregistré live devant public. À noter que 70%, c'est né à l'automne 2006. Ça va très vite. Dans ce temps-là, Bruno avait des cheveux. Sinon, ben 20h15, on va faire l'encan avec notre ami Antoine Toto. Et sinon, 20h30, on passe au junk de la soirée, au moton. Ouais. Au moton de la soirée. Grumeau. Ouais. J'adore ça. De la soirée, ça va être bien sûr le set de notre VJ bénévole. Ça va être soit deux qui font une heure chacun ou un qui fait deux heures. Et là, on va sortir les projectiles parce que c'est important. Les petits points d'exclamation qui viennent du coude, puis des épaules, puis tabarnak. OK? À 22h30, on ramasse les projectiles et on continue la soirée en clip et en karaoké. Je pense qu'on va être capable de garder le brouhaha plein jusqu'à la fin des temps. Sinon, ben vous avez reconnu à la gauche de Dieu, à votre droite de Dieu, ouais. C'est l'excellent Ghislain Tachereau. Encore une main d'applaudissements à tout le monde, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que depuis le début, on peut dire que j'ai été excellent. Aucune gaffe, je suis pas enfargé de nulle part. À date, j'ai eu des images douteuses, par exemple. Ça, j'aime ça. Quand on a annoncé les fruits dangereux. Oh, ouais, les dangers des fruits. Le danger des fruits, j'ai eu une image d'un ananas dans un urètre. Sérieusement, j'ai ça. Eu cette image-là. Moi, j'ai vu les batteries 2A, là, mais j'ai pas vu le... Ah, wesh. Donc, merci tout d'abord. On commence une petite entrevue avec notre invité de marque. Ensuite, la tradition veut que tu es le bienvenu de rester avec nous pour écouter ce que nos chroniqueurs vedettes vont venir nous raconter sur la scène. Comme chroniqueur vedette ce soir, je n'ai nul autre choix que d'assumer la présence de Antoine. Toto, ça va? Bonsoir, ça va très bien. On parle de quoi ce soir? Ben, on parle de liberté. Ah. Non, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Skipper, hein. Et ça va très mal en termes de liberté ces temps-ci. Et voilà. Fait que c'est de ça qu'on va parler. Celle de Québec, sur un papier russe. Celle du gouvernement fédéral aussi, ça permet. Mathieu Boudreau. Hey, salut tout le monde. Comment ça se passe? Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, nous autres, on va parler d'un sujet encore moins populaire que Guy Turcotte sur Tinder. Mais il y a une bonne job, là. Je te parle de politique. Oh! Voilà. On a en remplacement de Jean-Sébastien, Éric Carman. Éric Carman, notre grand! Comment? De quoi tu nous parles à soi? On va continuer la chronique de la semaine, la dernière fois que j'étais ici, là, okay. Tinder, et on va rajouter Badou là-dedans. Oh shit, tu rappelles large. On s'en va en région. Moustapha, notre imam des valeurs québécoises, prince des malaises. On parle de religion. Ouais, on a l'invité parfait pour ça. Sérieux. Là. On va parler d'Arafat aussi. Je sais pas encore pourquoi. Toutes les fois, je le demande, puis la semaine prochaine, je vais le faire à votre place. Okay? Simon Cussonnet, lui, d'habitude, c'est autre chose. Salut. Moi, j'ai griffonné un poème sur le coin d'une table ce midi au boulot, puis je vais vous le clamer, ça va être cool. Et voilà, donc on parle d'un poème tantôt. J'espère que ça va rimer. Oui, lui en plus, t'as entendu dans son accent, lui il naît avec le Molière, donc ça devrait titiller ta verve dans il tombe le bon à table, sens. Ça fait pocling. Pocling. Oh! C'est une blague de Wikipédia maintenant. Donc, merci beaucoup, Ghislain, d'avoir pris une pause dans l'écriture de ton prochain roman pour venir passer une petite heure et quelques avec nous, peut-être plus, parce que, comme t'as entendu, notre VJ de ce soir a préparé un petit pot pourri de tes succès passés. Ça va être pas mal pourri. On est en 2015, moi, j'ai eu une photo de Luther avec un de mes idoles de jeunesse tantôt. En plus, d'ailleurs, je voudrais peut-être saluer mon père et ma mère qui sont là-bas. Hein, ça vaut la peine de... Parce que sans eux, il n'y aurait pas Dieu pour animer 70%. Ben non. Hein? parlant de ton roman, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous comme dévoiler quelque chose ici? Là, on est 150 personnes qui écoutent le podcast, fait que ça sera pas une grosse bombe. Là, t'sais, ça parle de quoi? Gâche-nous quelque chose. Ben, le titre provisoire, c'est « Suicide 2.0 ». Et c'est un mélange entre l'importance démesurée qu'on accorde à l'image. Fait que c'est un mélange d'un suicidaire, d'une télé-réalité. Il y a tellement. Mais est-ce que tu penses que pour un artiste, participer à une télé-réalité, c'est un petit peu comme suicider sa carrière à un moment donné? Non, moi je pense que c'est des gros gains. Artistiquement parlant, là, c'est une évolution incomparable. Dans la mesure où s'accomplir artistiquement, c'est être connu. Ben oui. Et voilà, et voilà. Non, mais ça me fait toujours rire pour quelqu'un qui compare vedette et artiste. C'est toujours un peu complexe, là. Mais c'est ça, donc, c'est un suicidaire qui est suivi par un type d'une télé-réalité. Et là-dedans, il y a une polytoxicomane, il y a un gourou qui a une secte qui s'apprête à faire un suicide collectif. Donc, c'est très riche en rebondissements. Mais ça rebondit une fois, puis c'est à la fin, puis ça rebondit assez fort. Ça rebondit assez fort. L'inspecteur arrive. Ouais, mais là, c'est pas drôle ce que j'ai écrit, par contre. L'inspecteur, il y avait une forme comique. Il y avait un fond noir, mais il y avait une forme comique. Alors que là, il y a rien de vraiment drôle. Là. Fait qu'on... C'est-tu la première fois que tu fais ça? Non, mais celui qui est sorti en septembre, Tag, mon dernier roman, c'est pas drôle non plus. Là. Ah. C'est un coup de poing, une espèce de critique sociale, mais à travers les yeux d'un tueur à gages. Tag, tiens pour tueur à gages. Mais faites-vous en pas, vous êtes en sécurité, c'est avec moi. Ça vient juste de sa tête. J'ai donné une pilule de dormir avant de partir. Donc, sinon, on se souvient très bien de ton premier passage à 70%. C'était en février 2010. On a établi à l'époque que le bonhomme carnaval se nommait en fait bonhomme carnaval. Oui. Il n'y a aucune raison de mettre le devant, parce qu'autant moi, je m'appelle Tommy Godette, lui s'appelle bonhomme carnaval. Exact. On a aussi appris que tu t'appelais Ghislain Yvon Tachereau. Ouais. On a aussi appris qu'il y avait un projet qui s'en venait avec Jacques Chevalier à l'époque. Oui. Et il n'y avait aucune possibilité à moyen terme que les Bleus Poudres reviennent ensemble pour me redonner le goût d'écouter de la TV 30 à 60 minutes par semaine. Ouais. On a aussi appris que tu jouais pas à Magic. Ni à Ouija. C'est pas la même affaire. Non. Parce que d'habitude, Ouija, les filles aiment ça. Ah ouais, ok. Ouais. As-tu commencé à jouer à Magic depuis? Non, pas du tout. Non. Hey, d'ailleurs, ça fait 5 ans l'entrevue, je me rappelle toujours pas c'est quoi Magic. Ah, c'est quoi déjà? OK, c'est pas grave. Je t'inviterai chez nous, on va te le montrer. Avec François Pérusse, qui a plus de temps libre, François Donne, qui a été décryogénisé, on a entendu ça dernièrement. Est-ce que la persistante rumeur d'une réunion des Bleus Poudres est vraie? Ben, elle va se faire à mon insu, parce que moi, je serai pas là. Non, je pense que c'est totalement faux. OK. J'ai des demandes mon rêve m'a menti, là. Ouais, mais ça peut être un rêve humide, hein, tu sais. Chacun ses bobettes là-dessus, c'est ça. Non, écoute, c'est pas prêt de voir le jour. OK. Ça demeure très humeur. Tu veux dire, il y a plus de satire à faire, tout a été fait? Non, au contraire. Non, très, très, très au contraire. J'ai été approché il y a un an et demi, deux ans pour animer, ou en tout cas concevoir une émission par rapport à l'actualité, justement. Puis quand j'ai posé la question, premièrement, on m'a approché pour me dire, serais-tu intéressé à revenir de façon hebdomadaire à la télé? Oh, et quand j'ai demandé quel était le projet, on m'a dit que ça, j'ai dit, est-ce que ça repose sur l'actualité? J'ai dit, ils m'ont répondu oui. J'ai dit, ça m'intéresse pas, parce que quand en 89, on a commencé Sans Limite, c'était la même hostie d'actualité qu'aujourd'hui. Puis il n'y a absolument rien qui a évolué. Nous, en tant qu'êtres humains, on a évolué, on a changé. Notre perception des choses a vraiment beaucoup changé. Mais c'est la stagnation totale au niveau du gouvernement, au niveau des l'élite, hostie. Exactement la même chose. Donc, en 89, j'avais du plaisir à mettre le doigt sur ces bobos-là, puis jusqu'à temps que ça dise « aïe, aïe, aïe, enlève ton doigt sur mon bobo ». Mais j'avais du plaisir à rire de ça, mais aujourd'hui, je trouverais ça vraiment pathétique d'être obligé de rire à nouveau des mêmes problèmes sociaux qui sont juste pires. Mais ça serait moins job parce que tes jokes sont déjà écrits, par exemple. Les problèmes sociaux sont juste pires, sont juste de mieux édulcorer la part des médias. Ça, tu pourrais faire comme un Bob Binette dans un salon de retraité qui est trop médicationné. En même temps, il répéterait la même chose, mais il dirait « Chris, dans le fond, c'est la même affaire, c'est la même affaire, c'est la même affaire. » Oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, quel type de Pokémon es-tu? celui qui n'en connaît aucun. Oui, c'est apprécié. Hein? Moi, je pensais que t'étais un geek. Genre, je suis plus Tamagotchi que Pokémon. Ah, bon. Ouais. D'ailleurs, un moment donné, Slowpoke. C'était un Slowpoke, je pense. J'étais dans une taverne un moment donné, puis il y avait, comment il s'appelle, Louis Bélanger, le réalisateur, il cherchait un sujet pour des gens qui travaillaient dans un pawn shop. Il dit, il y a un personnage qui va rentrer dans le pawn shop, puis ils savent pas, il dit, je sais pas de quoi je leur ferais bien parler. Puis il m'avait entendu parler avec un de mes chums de Tamagotchi, dont j'avais hérité, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un m'avait donné un Tamagotchi, puis tu pouvais lui apprendre à lire, l'envoyer à l'école, l'éduquer beaucoup. Tu pouvais aussi lui faire manger beaucoup de burgers. Puis quand il était malade, tu pouvais l'envoyer à l'hôpital. Puis tu pouvais vivre à travers lui par procuration. Oui, finalement. C'est ça. Mais c'était hallucinant. Mais là, moi, c'est avant de Sims, là, on parle de 96. Oh, oui. Là. Mais là, j'étais donc à taverne en question, puis je disais, ouais, mangeant des burgers. Ça, ouais, manger des burgers. Puis Louis est à côté, puis il disait, qu'est-ce que c'est qu'il fait là? Puis là, j'y monte, je disais, un Tamagotchi, je veux voir s'il va péter, j'ai fait manger des burgers. il va aux toilettes, il revient, il dit, hey, je peux-tu prendre ça, il dit, pour mon film, c'est le je me rappelle plus c'est lequel. En tout cas, ils sont dans un pawn shop, François Papineau et sa blonde, puis ils sont là, puis ils gossent avec un Tamagotchi parce qu'il n'y a pas de client, puis ils font manger des burgers en malade au Tamagotchi. Là, il tue le Tamagotchi du pawn shop. Non, mais c'est qu'il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable, le Tamagotchi. Alors, ça. Ouais. Bon, ben, le défi est lancé. C'est encore plus geek que toi. C'est un défi en deux étapes. C'est comme de trouver un Tamagotchi, puis de le tuer. De le tuer, exactement, oui. Sinon, ben là, ma prochaine question, moi, j'avais comme deux phrases que j'aimerais que tu complètes. C'est Klatum, Verata. Oui, je le veux. Klatum, Verata. Nikto. Nikto. Ah oui, c'est bon. Curieux, senteux. Morveux? Ah, oh, pas pire. C'est pas pire. En fait, c'est curieux, senteux, péteux. Ah, OK, OK. Ouais, mais t'étais pas loin. Sinon, mais ben, fait plus froid, c'est pour ça. Ouais. J'aimerais beaucoup que tu nous fasses un indicatif en prenant la voix de choses. Chose. Hé, ça, c'est un beau défi. Ça fait, c'est quand la dernière fois que t'as pris la voix de choses? C'est sur les promenades Saint-Hubert. Pour la sortie, c'est vrai. Mais il me semble qu'il est à sa place. Ouais, sur les promenades Saint-Hubert pour la sortie de mon deuxième roman. Parce que au Québec, tu ne pouvais pas être invité dans une émission de télévision pour parler d'un livre. Il fallait que tu fasses un sketch niaiseux pour compenser pour le fait que tu étais en train de parler d'un livre. Ben, oui, c'est long, lire un livre. Là. Fait que je vais essayer ça. Ouais. Non, mais ça paraît que je suis un début de livre. J'aime ça. Alors, vous êtes 70%. Mais... est-ce qu'il y a une zone de ton cerveau que tu sens travailler plus quand t'es chose? Mais j'avoue honnêtement que c'était mon personnage préféré, ça, parce que ah ouais, quand faire des interventions en public, par exemple, aller déranger du monde sur la rue, aller leur poser des questions, faire des vox pop, je détestais ça à Taquinon. Puis à Sans Limite, c'était vraiment pas mon dada. Puis avec chose, j'étais allé rencontrer des curés. J'étais allé déranger des curés chez eux. Ouais, et il y avait un vieux curé qui était là, qui mangeait avec toute sa famille. Puis je pouvais me permettre là, de vraiment divaguer pendant 5 minutes. Puis je m'en foutais tellement ce personnage-là. C'était un personnage de mon gars. J'étais là, j'étais à côté du curé. Je disais, vous avez un petit curé, là? Vous, là? T'as l'air, prends mon souffle, c'est pas long. T'sais, pendant que je faisais tout ça, là, t'sais, je me foutais de la planète au complet. Puis je me disais, le Kodak est là, le Kodak tourne, j'ai du jus, j'ai du bonbon, j'ai du nanane. Ça, j'avais un plaisir fou à faire ça. Fait que c'est vraiment un des personnages que j'aimais le plus interpréter. Il n'y a pas de texte à écrire en plus. Fait que... Hey, c'était le festival de l'onomatopée. Oh, hey, man. Moi, c'est un personnage, là, en tout cas. C'est... Ouais. Entre autres. Ouais. On a déjà mis au clair, d'ailleurs, la première fois que tu es venu à 70%, que, et tout le monde va être d'accord, qui ici a déjà essayé d'imiter Bob Binette? Hein? Qui a réussi? Moi, je peux dire que j'ai réussi parce qu'à l'émission qu'on a fait, j'avais gagné le concours d'imitateur de Bob Binette contre Ghislain. J'étais capable de faire l'intelligent et le plus épais. Ouais, exactement. Les deux versions. Sinon, ben, une petite dernière question avant de continuer dans l'émission. Là, as-tu une bonne mémoire de tes réalisations? Mettons, on t'invite à quelque chose comme les enfants de la télé. Puis est-ce qu'il y a une manière de te sortir de quoi que tu vas faire? Et possiblement. Et ouais, c'est-à-dire que j'ai une pas pire mémoire de ce que j'ai fait parce que c'était obsessif quasiment. Parce que à TQS, Feu TQS, il y avait la vidéothèque. Et à un moment donné, un ami disait, mettons, quelqu'un dans l'émission disait, ça me prendrait un accident de char. Je disais N138. Il disait, qu'est-ce que tu veux dire N138? Je disais, la cassette N138, il y a un accident de char. Fait que là, je savais, parce que dans la vidéothèque, je connaissais toutes les sections, puis je savais que sur la cassette ça, N138. Ça venait des montages, ça? Parce que, oui, exactement. C'est ça, ouais, parce que moi, je faisais moi-même les montages et tout. Et donc, j'avais une mémoire de malade pour ce genre de détails-là qui me servait beaucoup. Mais sauf que. Il y a des choses qui m'ont échappé. Des fois, Brassard, il me rappelle, quand je rencontre Pierre Brassard, on fait de l'intranet. On appelle ça de l'intranet. On se dit des choses que seuls nous deux pouvons comprendre. Et il me rappelle des affaires. Je me dis, sacré, j'avais oublié. Pourquoi? Puis lui, il s'en rappelle. Hein? Oui, ben, oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il s'en rappelle pour pouvoir mieux te piner. Ouais, mais, oui, exactement. Ouais, pouvoir me... Puis ça, d'ailleurs, tu nous avais dit ça à l'émission dans le temps. Tu aimais ça, te faire taquiner par du monde qui était capable de te surprendre sur tes patterns à toi. Ça m'amène à peut-être, tu sais, le speech de l'allemand, là. Oui. Est-ce que c'est imprimé? Parce que c'est un petit peu comme notre père, à un moment donné. Là, tu l'as fait 40 fois. Ouais, ben juste pour mettre en contexte, c'est que... ça s'appelait pas. J'avais appris un texte à l'envers, phonétiquement à l'envers. Ah ouais, ça c'est le bouton pour reculer. Ouais, c'est ça. Puis ça c'est le bouton, c'est pour reculer. C'était Élie Kerouponti peut laisser assez. Alors, si faites le jouer à l'envers. Si vous enregistrez ça chez vous, Élie Kerouponti peut laisser assez. Ça fait et ça c'est le bouton, c'est reculer. Vous le faites jouer en et si vous enregistrez présentement, show rock allumage. C'est salut mon carrosse. Et il y avait aussi Rfogut Rinkrouf, Roufinimentes assez. Et ça, c'est un mini four pour faire cuire des gaufres. Ah, bien, j'aime ça parce que tu vois qu'il regarde comme la place où le plafond et le mur se rejoignent. Là. Tu vois qu'il va chercher là-dedans. Non, mais parce ça. Que j'ai été sérieusement éprouvé par ce dommage-là. Ben, on l'a vu dans la crème. Là. C'est la seule fois que tu as les yeux qui ont du feu. Ben, du feu négatif. Oui, dedans. Oui. Puis le pire, c'est que 10 minutes après que le tournage ait été fini, là, tout me revenait là, vraiment spontanément. En plein milieu de la nuit, je me réveillais. Toutes les répliques à l'envers me revenaient. J'ai eu ça dans la tête pendant très, très, très longtemps. Ben, c'est sûr. Comme notre père. Là, il sait qu'on le connaît tout, mais on s'en tabarnaque. Moins, notre père, j'ai l'avantage que je peux me masturber en y repensant. C'est ça, je 1-0. Je pense que tu vas être à ta place pour le 70%. Malheureusement, le curé de l'époque est décédé. Fait que, tu sais... Pieux est son âme. Est-ce que c'est une inspiration pour le curé Ré? Oui. Non, mais le curé Ré, oui. Il est particulier. Ouais, moi, oui. Okay. Il est mort en santé. Et voilà. Bon, ben merci tout le monde d'être là. On commence 70% avec les chroniqueurs maintenant. Et oui, ben c'est le fun parce qu'on fait un beau segway pour mes nouvelles. On s'en va tout de suite en religion. Ouais. Ah oui. Zone de confort. Alors, avec le développement d'intelligence artificielle de plus en plus poussé, on peut se demander qui sauvera ces nouvelles âmes en perdition. Hein, on peut se le demander. Un nouveau vagabond, genre. Eh bien, la réponse, c'est Christopher Benneck. En effet, le révérend de l'église presbytérienne de Providence, en Floride, disait trouver une nouvelle mission. Je ne vois pas en quoi le message du Christ est limité aux êtres humains. La rédemption est là pour toute la création, même l'intelligence artificielle, affirmait-il. Yes! Si l'intelligence artificielle est autonome, nous devons de l'encourager à participer au message de rédemption du Christ, ajoute-t-il. Ben, mettons de questionner la morale. Je pense que c'est bien qu'une intelligence, peu importe artificielle soit-elle, ait une vocation de questionner sa propre morale. Le message du Christ. C'est ça, quand ça passe dans Jésus, puis des trous des mains, puis heureux soient ceux qui n'aient pas posé de questions. Là, ils mangent la mais mort, si tu essaies de convaincre une intelligence artificielle de l'existence de Dieu ou de l'histoire de Jésus, c'est comme si tu t'infiltrais avec... C'est comme si tu lui donnais un virus, finalement. C'est... Ouais. On pourrait dire ça. Ben oui. Mettons que tu essaies de faire ça à un enfant. Tu l'inocules si solide. C'est comme si tu... Non. Non? Ça, c'est correct, non, ça. Non. OK, c'est bon. Je veux juste qu'on mette ça. Moi, je pense jamais à ça, un enfant. Je vais sectomiser. Jamais à ça. On vient d'en apprendre ses couilles à Ghislaine Dachaud. Mon père aussi est vasectomisé. Ah oui. Colin, vous êtes pareil. Juste d'un testicule. On l'applaudit. chien sa mort. Ah, on continue. Let's go, Bruno. Oui, Cincinnati, un jeune homme a été arrêté suite à un vol de dépanneur. Content, Tommy? Moi, vol de dépanneur, on commence à moins 6. Tu sors de là. Si, mettons, ça va bien, tu te fais jamais pogner pis tout, là, tu viens de te faire 200. Ah oui, ah oui, ah oui. si on rajoute Cincinnati, c'est quand même... Ça tombe à moins 7. Ça va à peine. Non, mais ça va à peine. Les services de police ont eu la puce à l'oreille quelques heures après le vol quand il a publié une photo avec une pile de cash et une bouteille de tequila identique à celle qu'il avait volée. Mais ils ont eu juste la puce à l'oreille? Ouais. Ben après ça, ils sont allés fouiller son appartement puis ils ont trouvé l'arme du crime, bien sûr. Ah non. Est-ce qu'ils ont trouvé le héros? Ah oui, ils ont trouvé le héros. Fait que le gars, il a posé... Ah, attends, fuck you. Let's go, continue, là. D'accord, un adolescent chinois qui voulait se débarrasser de sa dépendance à l'Internet a décidé d'y aller d'une solution créative. En fait, en effet, le jeune homme... C'est crevé les yeux? De 19 ans, a décidé de se couper la main avec un couperet. Ouais. Un couperet. Et il a ensuite appelé un taxi pour être transporté à l'hôpital. Les médecins ont réussi à réattacher sa main. Il a appelé un taxi, je le vois, taper avec le moignon sur son clavier pour avoir le numéro. Il a appelé un taxi, ils ont réussi à y rattacher le membre, puis ils ont greffé une souris au bout. Ouais, c'est ça. Ah, pauvre cave. Il paraît que... Ils ont rattaché la main avec son problème est ben pas oui, réglé. Ben oui, son problème est pas réglé. Les sources officielles affirment que 24 millions de junkies du web habitent en Chine. C'est un fléau à éradiquer. Là, ouais, mais c'est parce qu'eux autres, ils ont abandonné le Tamagotchi. Puis oui, c'est ça. Puis encore, 24 millions, c'est quoi? C'est 0,2% de leur population, là? Parce que c'est une blague démographique. Googlez-le! Let's go, t'en as-tu une autre? On va regarder ça pour la fin. Et voilà, merci beaucoup Bruno. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Et je me permets un petit bémol là-dessus. Ce qu'il dit, c'est vrai. Oui. Ce que lui dit, c'est vrai. Mais ça, tu passes à la TV parce qu'on veut savoir si c'est vrai. Là, si tu veux à la TV? Oui. Ça, c'était vrai des années 90. Ça, c'est Internet. Ah, ouais, c'est même ça. Encore aujourd'hui. J'ai tout pris ça sur Internet, c'est vrai, là. OK. Et voilà. On poursuit le show. Je me demande cette chanson-là, ça vient de où? Tu veux savoir, ça vient de où? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Assalamu alaikum Québec. Alaikum salam. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait une religion. Ben oui. Ça, c'est le petit four pour faire cuire des gaufres. Sérieusement, cette vidéo-là était assez hot. Faut le dire. Tu tombes dans une autre religion. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien mieux celle-là. Parce que... C'est pas à toi, mais... Salut Gigi. Ça te dérange-tu si je t'appelle pas Gigi? Pas du tout. Il y a beaucoup d'amis qui m'appellent Gigi. Mais même que Gijounet, ça me dérange pas Gijounet. Non plus. Gijounet. Ouais. Non. Je m'attendais à ce que tu me dises que ça te dérange pour que je m'en calisse puis que je réponde par-dessus pour que j'ai l'air d'un connard, mais bon. Enfin, non, mais ça me dérange beaucoup que tu m'appelles Gigi. Toi, les autres, tu peux tous m'appeler Gigi. Tant mieux, c'est parfait. Fait que Gigi, t'es reconnu évidemment comme l'autre Arafat. Ouais. Le meilleur des deux, en fait. Un des deux. Je te recommande juste de ne pas aller en France. Ouais. Le dernier, ils l'ont empoisonné. Ouais, ouais. Googlez-le! Encore une joke de Wikipédia. Ah non, mais ça va être genre Wiki Conspiracypedia, Je sais pas, là, en tout cas. Ouais, continue. Let's go. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, toi? C'est assez hot. Ah, je voulais faire une joke d'Arafat en arabe, mais c'est pas facile à traduire, ton affaire. Ben sérieux, entre moi et toi, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi, puis ça va paraître. Avec Lyon, que tu mâches et où je fais Richard Martineau. C'est drôle parce qu'on a compris la voix, Richard Martineau. Katib et Gabir. Il y en a Ezer, Ezerten, Ezer Atis, Mabarif. Ça paraît? Tu as déjà entendu ça? Ah, c'est pratiquement pareil. J'ai pratiqué un peu devant le miroir tantôt, je riais, j'avais juste un bas sur le pied, c'était hot. Ah, mais le miroir, faut le mettre dans le bon sens. Ah, c'est ça. C'est... On a un miroir, l'autre bord, c'est les fédéraux qui m'observaient. C'est vrai. OK, ah oui. J'ai aussi la bonne nouvelle d'annoncer que depuis à peu près vendredi, surtout si ça s'officialise, 70% est le podcast le plus écouté par la GRC. Yes! Hey, t'es rendu drôle, Moustapha! Ça fait trois shows, là. J'aime ça. Écoute, je me suis fait... La GRC, c'est le groupe des Raéliens circoncis, c'est ça? Moi, c'est parce que je suis un inculte, j'ai dit tantôt. Je pense qu'il y a. Ça pourrait l'être, ça revient pas mal au même, quand tu y penses assez loin, là. Il y a juste une gang qui a un cheval entre les jambes, c'est tout. C'est plus dur à circoncire avec un cheval entre les jambes, tu sais. Tu peux être surpris. Tu coupes la tête du cheval. Tu peux être surpris. On a déjà essayé ça dans mon organisation. On en a pas ni un assez solide. Bon, il y a le reste du pénis qui est parti avec. Ça rit au même une fois que t'as rattaché. Mais ça rue plus un cheval qu'une paire de testicules, on s'entend. Ouais, c'est vrai. Non, mais on parle, nous autres, là. Moi, j'écoute. Ça va bien. Je suis assez content. Il est tellement heureux. Ouais. Mais sérieux, j'ai essayé de préparer une sorte de joke d'Arafat, puis... À date, ça va bien, là. Ouais, celle-là en arabe était pas complète, parce que, tu sais, on est juste... sortir sans arrêt l'espèce de flux d'informations, c'est sans préparation, je sais pas. T'sais, même avec le shake de tête, puis... À moins que je le fasse très, très arabe, là. T'es comme... Hadekaliyom, mais là, ça ressemble à une femme, fait que laisse faire. Non, c'est vrai, on a tendance à parler de même, les arabes, je sais pas pourquoi. Ben, aussi, je sais pas, moi, à toutes les fois que vous parlez, je comprends rien. Ce qui te déstabilise peut-être aussi, sans que tu t'en rendes compte, c'est que le fil de tes écouteurs pend chaque côté de toi. Ben là, je me dis, peut-être si t'avais tes écouteurs... Ah, excuse-moi, c'est des bretelles. Non, ça, c'est des bretelles. C'est un look d'habitant québécois, c'est notre imam qui est... Hey, c'est... Parce que la raison que j'ai des bretelles, c'est parce que je veux quand même leur donner une chance de m'attraper une fois de temps en temps. Ah, ben oui. C'est Néo Mustapha, c'est quoi? C'est ta moustache qui t'empêche d'être drôle? Ou... Hey, depuis que j'ai enlevé le petit bout de poil ici, ouais. Je me sens... T'exploses, man. Ça va aider avec les filles. Non, on peut pas dire t'exploses. Tu peux pas dire t'exploses. C'est vrai, c'est votre mot. C'est notre mot. Je le sais pas qu'est-ce que t'as fait avec l'autre, mais moi, je t'aime bien, toi, moi. C'est mon naturel. Fait qu'on s'en va vers quoi, là? On s'en va vers l'autre jour. Excuse-moi, je reviens. Il dit c'est son naturel, on vient à GRC, le galop, puis tout. On passe du coq à cheval. Du coq à cheval. Au cheval. On parlait de pénis, cheval, de coq à cheval. Tout est lié, man. Tout est dans tout. Les chevaux raffolent des ânes, du coq à l'âne, tout se tient. C'est beau, je continue. Voilà. J'ai même pas besoin de l'expliquer. On devrait l'inviter plus souvent. Qui sait? Fait que l'autre jour, hey, c'est drôle, Arafat, comme Ghislain il fait, il sonne comme mon père quand il est mutant québécois. L'autre jour, je rencontre Ghislain Tachereau, un petit frisé, genre un mouton, une chèvre, fouille-moi. J'ai dit, toi là, t'aimes pas Dieu? Il me répond, ben non, j'aime pas Dieu. Fait que t'aimes pas les religions? Non. Comme lesquelles? Ben, le christianisme, le judaïsme, l'islam. L'islam, c'est pas une religion, hein, c'est quoi? Ben, le mot en arabe, c'est din. Din? Ben oui, din, c'est ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire le chemin, ça veut pas dire la religion? Non, ça veut dire le chemin. Ah, vraiment? Je comprends même pas ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous utilisez à la place? Ben, on utilise din pour. Si on veut dire religion, on dit mothafabad. Ah. Fait qu'est-ce que tu fais si jamais tu rencontres Dieu à un moment donné? Ben, je te paye à dîner. Non, mais si elle avait été prononcée, cette blague-là, là, elle aurait été écœurante. J'ai essayé. Tu viens de te trouver un nouvel ami. Moi, je l'ai lu, puis elle était vraiment bonne. Ah non, mais t'es excellent. Oui, mais elle l'a compté dans l'autobus, puis j'ai dit retravaille, là. Mais je savais pas que ça s'appelait Dean. Dean, ouais, c'est parce que le mot en arabe qu'on utilise n'est pas le même. Puis on s'entend que la plupart des choses qui ont été traduites ont été incorrectement traduites par du monde qui avait un petit sauf la Bible. Sauf la Amen. Ouais, mais la... Mais sauf que... En utilisant le mot sauf, on peut l'utiliser. Sauf. Moi aussi, je peux l'utiliser. On peut l'utiliser. Je te laisse le droit à tous les mots. Il y a 85% des musulmans qui ne parlent pas arabe. Ça arrive beaucoup. Ouais, ils sont en Indonésie, genre. Non, mais en Afrique. Puis tu sais, sur la planète, en tout et partout, il y en a 85% qui parlent pas arabe. Ça mène à beaucoup de confusion parce que là, il se fie à des traductions. Puis là, ça mène à le Daesh. La Sainte Inquisition. La Sainte Inquisition pour vous, le Daesh. Second regard. Second regard. L'amour avec un grand A. L'évangile en papier. La soirée du hockey. La soirée du hockey au Québec. Les Patriots. Ça dépend de vous. Hey, prends-moi pas. J'aime ça te provoquer, Toto. Fait que on arrive-tu à... À quelque chose? Ben, juste... moi, j'aime ça t'écouter, mais il y en a encore plein d'autres qui veulent pas. Ouais, mais juste très rapidement. T'es, arrêtez de dire que l'islam, c'est une religion. Ça l'est pas, là. Okay? C'est plus comme le bouddhisme, c'est pas une religion. Hey, là, tu es en train de nous dire qu'il faut mettre des œufs dans la petite poche qui est à côté du gros panier dans lequel on met toutes nos œufs. Là. Ouais. Calice, mais t'es ça pas presque deux dans le même panier, surtout quand c'est même pas les mêmes types d'œufs. Fait que l'islam, c'est pas une religion, c'est une philosophie monothéiste. Essentiellement. Et taboueur, on vient de se faire venir d'en face. Ouais. Ça! On vient de se faire venir d'en face. Ça, là, mesdames et messieurs, on appelle ça un Islamic drop. Islamic drop. À ne pas confondre avec le Islamic drop, ce qui se passe en Afghanistan. Moi, je pense que t'as gagné là-dessus pour cette semaine. Salam alaikum, Québec. Merci beaucoup. Toi, comment ça va? La paix avec Jésus, Dieu, tout ça? Très en paix. Il m'appelle pas, je l'appelle pas. Bon, très bien. Il n'y a pas de répondeur, moi non plus. Et voilà. La grosse paix sale. Non, moi, j'aime beaucoup mon athéisme. Je me sens sain et serein. On se le fait-tu? On se le fait-tu? Quoi? Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne d'en face, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et redonnez-nous notre âme comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont brainwashed. Et ne nous soumettez pas à la tentation, non, mais délivrez-nous du mal. Amen. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? On est à 70% solide. C'est une comptine qui nous apprenne à l'internet. Ouais, ouais, qui t'apprenne même. Mais moi, comment je suis devenu athée, ça s'est passé très, très simplement. J'étais servant de messe quand j'étais jeune. Et j'étais payé 25 cents de la messe, je pense. Que ça m'aidait beaucoup. Ah, tabarnak, le gros cash. Oui, ça m'aidait beaucoup à arrondir mes fins de minute. Mots. Et oui, mes fins de mots. J'aimais ça de vraiment comme chercher l'échelle de texte avec un rapport. Oh, salut Ronald. Alan Smithy, c'est notre clown de service. On aime bien gros ça, le voir. Il est content, gars. Il a l'air heureux. Mais il parle pas, c'est comme le bonhomme carnaval. Il y avait juste des malaises. Non, mais le bonhomme carnaval, c'est la seule mascotte au monde qui parle. Qui aurait intérêt à se taire. Bonhomme carnaval, oui. Mais alors là, le curé, on fait le... Mais viens te coller sur Ghislain, ça va te faire du bien. Là, j'ai 25 cents de la messe pour servir la messe. Fait que là, on est dans le mois de Marie. À la fin de la messe, il dit 10, je vous salue Marie à la fin de la messe. Donc, moi, ça prolonge mon travail, le vrai. Mm-hmm. 7 minutes sans être payé davantage. Fait que je peux-tu avoir 32 cents? Non, mais là, je dis juste au curé à la fin, je dis pourquoi vous dites une dizaine de je vous salue Marie? Ben, il dit pour que la prière monte mieux vers le ciel. Monte mieux. Ouais. Monte mieux, ouais. Davantage, plus. Je ne me rappelle plus quel superlatif niaiseux il avait utilisé. Mais là, je dis. Si je vous rencontre dans la rue, M. Guré, puis je vous dis « Salut, M. Guré, salut, M. Guré, salut, M. Guré, salut, M. Guré », vous allez dire « C'est un imbécile, c'est un attardé ». Puis là, il me dit « Ah, tu n'as rien compris ». Eh, hey, pas de même, Marie, Chris. Habite loin, là-bas. Fait que là, je me suis dit « Ce n'est donc pas vrai. On m'a menti. Pendant toutes ces années, on m'a menti. » Fait que là, ou à la limite, ça pourrait être vu comme du harcèlement, tu sais. Ouais, exactement. Exactement. D'ailleurs, dans un de mes romans, dans Spectre, le deuxième Spectre, je pense, Marie se fait violer par le Saint-Esprit. Oui, c'est le doigt mort, ça. Ouais, non, c'est dans la planète nette. Okay. Parce que c'est carrément ça. Quand tu te fais engrosser contre ton gré. Salut, Alan. C'est un viol. Excuse-nous, on parle pas de toi, on s'occupe pas de toi. Bon, on le respecte quand même. Ouais, son but, c'est d'amener des malaises et de partir avec. Il est en dessous le malaise, on l'a laissé là, on va piler dessus. Alors, ben, voilà. Moi, je relate beaucoup. En fait, je me reconnais dans ce que tu me racontes là parce que j'étais aussi un servant de messe et je me rappelle, j'avais 13 ans, je me suis levé. Et puis là, j'étais supposé aller servir la messe et dimanche matin, j'avais mis mon cadran. Maintenant, dit, hey, son cadran, dimanche, tu travailles pas, Chris. Fait que là, je mettais mon cadran, je me suis levé puis je me suis comme croisé les yeux dans le miroir. Tu sais, j'étais en train de m'habiller puis l'espace comme ça, je me suis dit, ouais, je m'en vais rappeler à Dieu qui est hot. Mais Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il est humble. À quoi je sers dans son équation? Ah, je suis retourné me coucher. Ouais. Puis, sérieux, j'ai vraiment fait la paix avec Dieu ben oui. ce jour-là. Puis, c'est une pièce, la messe, c'est une pièce de théâtre mal répétée. Ah oui. C'est comme si tu jouais du Robert Lepage, puis qu'il l'avait pas mis en scène, il avait pas mis la pièce en scène, puis qu'il était prêt à tous les jours pour regarder ça et dire « Calice ». Ils ont scrappé mon affaire. Ils se rappellent pas de c'était quoi le début, ils se rappellent pas du milieu, puis ils se rappellent pas de la fin. Ça peut bien être mauvais, tu comprends? Puis en plus, c'est tout écrit tout le temps, les petits prions en église, c'est écrit ailleurs par du monde non. qui s'en crisse. Plions en église, c'est pas ça. On continue là-dessus, je pense. Ouais. Merci, Ghislain. Comment allez-vous tout le monde? Êtes-vous de bonne humeur? Yeah! Bande de caves. Esti, hein? Ils apprennent pas ce monde-là, Chris. Ils sont manipulables. Salut, capitaine. Salut, champion. Eric. Salut, Milou. Salut, champion. Salut, Tintin. Salut, Dupont et Dupont. Salut, la Castafiore. Et moi, encore une fois, hein, en toute modestie, je suis très modeste. Je suis clairement le plus gros cerveau ici. Je suis le professeur, mais pas un professeur fif, par exemple. Parce que le professeur tout seul, on s'entend, ce petit grain. Il est fif en tabarnak, ce gars-là. Là. Salut François! Comment vas-tu? J'adore tes albums pis tes capsules radio, mon homme. Moi, je suis très touché, surtout que tu lis pas du tout pendant que tu me parles. Ben non, c'est parce que là, je fais mon intro, tu sais, le grain. Ok, c'est bon. François, c'est qui? À qui tu parles? Ben, ce gars-là, là. C'est gag. T'es qui, toi, d'abord? Gisèle Provencher. Ah, je fais de la poterie. J'écoutais pas, moi, tantôt, là, parce que mon remplaçant, puis, tu sais, j'écoutais pas, je sais pas t'es qui, puis mon remplaçant, Jean-Sébastien, il m'a dit que j'allais venir ici t'asseoir à la dernière minute, puis il m'a dit qu'il y avait un gars talentueux avec aux mille voix et aux personnages qui faisait partie des Bleus Poudres. Fait que moi, j'étais jamais vu à la face. J'ai jamais vu François Pérusse, fait que j'assumais que c'était toi. Mais t'es qui, toi, Chris Legrand? Oui, Chris Legrand, exactement, c'est moi. mais sérieusement, là, je suis embêté, là, j'ai de l'air d'un sans-dessin, là. Ça me fait passer pour un câble, Legrand. C'est Ghislain Tachereau. Ghislain Tachereau, t'es un peu. Hey, attends un peu, toi. Je replace ça, là. T'es pas le gars Ghislain Boulevard Tachereau qui a fait genre 4-5 sketchs à 100 limites il y a genre en 90, puis là t'as disparu de la map, on t'a plus jamais revu, toi le grès, t'étais exactement. Où? Exactement. Ben, dans le fond, moi, le temps s'est arrêté pour moi. Tu vois qu'aujourd'hui, Jésus m'a reconnu. Ah! Pis, t'as découvert le Christ. Il permet de pas vieillir puis de rester là. Je me coupe les cheveux pour pas que ça paraisse. Ah ben! Chris, moi le grès... Je sais pas, là, je trouve ça un petit peu bizarre que t'es titre, là. Chris Tommy, le grand, ça fait dur un peu, là, les invités, là. Tu sais, c'est quoi ce genre de calibre de célébrité-là, si grand? Ben, on est bien. Non, non, si. Ce gars-là, c'est pas un has-been, c'est un never-been. Qu'est-ce que tu vas inviter, Chris, la prochaine fois? Si, je vous en prie. Tu vas inviter les jaunes bananes de Sans Limite, si le plus beau malaise de la télé québécoise? Je pense ouais, pas non, que quelqu'un se rappelle d'eux autres. Ben, moi, je m'en rappelle. Oui. Est-ce que t'es connais? Non, non, non, mais c'est parce que c'est juste plate. Eux autres, ils ont été... Une pause sera pas long. On te revient, Eric. Eux autres, ils ont été un peu utilisés pour notre éviction, pour camoufler notre éviction, si tu veux. Mais de Mario Jean. Pas un peu. Cette ils ont été totalement utilisés pour oui, ça. Oui, oui, exactement, oui. Le plan, c'était ouais. Venir faire 6 mois. Ben, oui, puis après, pour les faire oublier, mais ouais. C'est beau, on continue. Ah, oh, ben moi, la dernière fois que je me souviens de t'avoir vu le grès, là, tu sortais avec Matt Plourde. Pis moi, là, j'étais jaloux en crisse, le grès, parce que moi, j'y aurais pas fait mal à Matt Plourde dans le temps. Bien qu'aujourd'hui, je lui ferais peut-être un petit peu plus mal, parce que on ne vieillit pas tous en beauté. Hey, restez belle. Qu'est-ce que tu veux, le grand? Comme moi. Mais est-ce que... Je me souviens d'une affaire, par exemple, le grand. Toi, là, c'est toi le coupable qui nous a amené Girls Boys de Pierre Nadeau, esti. C'est toi qui l'a mis sur la map, tabarnak. C'est lui le coupable. C'est sa faute. Ce cher franco-manitobain, on t'a rien, on s'en calisse, c'est la même affaire. Esti, oui, avant de l'oraclip, c'est ce gars-là, ce snoro-là qui nous a fait jouer ça à Musique Plus, au show de Marie Plourde. C'était un malade, le grand, esti. C'était Marie qui me l'avait suggéré, d'ailleurs. Chris, le grand, sacrament, esti. Hey, Tommy, j'espère que tu vas m'inviter au prochain douche-off, là, le grand, parce que c'était fif en Chris l'autre jour, là. C'est-tu vidant, le grand, dindin, c'est-tu le pincier Jean-Fifi de Carimathieu, puis Milan Graff. Hey, moi, j'ai un nom italien. Wow! Hey, c'est pas trop couillu, ce monde-là, là. Ben, OK, continue. Moi, je suis un vrai homme avec un vrai chaf, puis j'ai pas besoin de me vanter d'être un vrai homme. Fait que ma gueule. Je suis en train de penser à la même affaire. Fait que c'est ça, moi, j'étais bien occupé ces derniers temps, si j'étais à chasse, moi. En hiver? En plein hiver? Ah ouais, oui, chasse, n'importe quand, grain. Moi, dernièrement, j'étais à chasse au Gerd. Ah ouais, c'est. Puis comme j'ai ça à la dernière minute, si j'allais venir ici, ben j'ai rien préparé pour ma chronique. Fait que j'ai dit que j'allais poursuivre la chronique de la dernière fois, puis que ça allait être encore les connes de Tinder, puis maintenant, je vais rajouter Badou. Parce que... Parce que les régions, c'est important, c'est au ça. Québec. Ça, non, ben, non, c'est partout. Il y a des connes partout, ça, ben, au Québec. Aussi, variant. Fait que, number five! Les hostifites photos de voyage sur une chaise de plage avec les pieds en gros plan, tabarnak, quatre grains... Wesh! Asti! Des oignons pis des ongles incarnés. Un peu de retenue, les grandes. Moi, le foot fétiche, là, ça m'écœure en simonac. OK? Pourriez-vous avoir la décence de vous couvrir si vous voulez que je couche avec vous autres, gang d'épaisse? Cibole! Cachez-vous les pieds, c'est pas beau, Chris. C'est une photo à gros plan des pieds, c'est que la plage. Ouais, mais que je fasse avec ça, moi, mais Chris? Si tu veux coucher avec une fille qui est couverte, là, on retombe dans le domaine de la religion, là, tantôt, on s'en sort pas. Non, mais les pieds, là, Chris, ça pue ses lettres, sti, on s'entend, le grand? Les pieds, ça pue ses lettres, Éric. Puis on lui marche. Puis en plus, on lui marche dessus, on n'a pas de respect pour ça. C'est vrai, aucun respect pour les pieds. Number four, le Spartan Race de Reebok, sti. C'est comme la crise de course de poudre colorée, qui, on a parlé l'autre jour, sti, ouais, là, ouais. Sont toute une gang de clones, avec Chris, avec la couleur d'en face, pis tout. Hey, ça serait-tu possible, les grandes, de vous trouver un cerveau à vous, asti? C'est tellement pas original, vos affaires, là. Sont toutes pareilles, gang d'épaisse, asti. Moi, ça m'écœure, asti. J'ai l'impression de parler à une femme. Ils ont pas de cerveau. En plus, moi, les sportives, anyway, ça m'énerve, ça fait trop lesbienne. Fait que number three! Les filles qui font des faces de connes, pis des duck face, toutes les photos. Allons donc, la grande, esti, tu veux-tu que je te fourre ou tu veux que je me moque de toi? Esti, c'est insultant, Chris. Mais non, moi, je fais pas des faces de cave, j'étais un gars intelligent, esti, grand. Tu vois, ça a fait rire tout le monde. C'est que ça va arriver, gang d'esti. Numéro 2. Ma découverte de janvier, Badou. Chris, le grand. Je pensais avoir vu le P, moi, sur Tinder, mais avec toutes les tout croches, toutes les gnochonnes que j'ai vues, asti, ben, cibolac, c'est P sur Badou. Il y a des moyens gorlots là-dedans, pis des méchants numéros là-dessus, le grand. À éviter à tout prix, mesdames, messieurs. Et ça donne l'impression que Tinder, ça a de la classe. En comparaison, là, c'est asti, man, ça fait dur. Ça fait vraiment dur. T'es pour ça. Non, si, il n'y avait rien d'intéressant, grand, c'est pas mêlant. Si, c'est pathétique, ce monde-là. Moi, je suis pas pathétique. Non. Ben non. Number one! Une affaire qui va faire triper mon chum Toto ici, c'est. Puis juste Toto, probablement. Les hosties de folles qui tirent du gun puis de la carabine, c'est comme activité, puis qui osent mettre ça en photo sur leur profil, c'est en plus. Mais y'en a encore, là, c'est. Êtes-vous sûr que vous voulez vous mettre, c'est. Moi, vous me faites peur, OK? Puis même un bon gars comme moi, c'est là. Oui, je veux dire, c'est rough, là. Imagine les bad boys, là. Les bad boys, eux autres, là. Ils ont pas envie d'être avec vous autres. Est-ce que allons donc? Tu sais, le pauvre gars, là, qui a envie de vous tromper, là. Imagine, là. Il est mal pris en tabarouette, là. Il y a des photos, est-ce que sa blonde, est-ce qui tire du gun, là. Lui, l'innocente victime, il joue avec sa vie, là, s'il vous trompe. Pis y a pas une fille ici qui vaut la peine de mettre sa vie en jeu là-dessus là. Tu sais, je veux dire, c'est... non, regarde, c'est. Fait que, anyway, lâchez vos guns, les girdas, pis allez jouer avec une autre sorte de canon, c'est qui est bien plus plaisant pis bien moins dangereux, c'est. Fait que toi t'aimerais mieux voir plus de photos de pénis. Ouais, tiens, le pénis, c'est ça qu'on veut, tabarnak. Fait que, alors si vous voulez passer du bon temps avec un bon gars, ben Steve, vous voilà averti les poules. Et voilà. Ajoutez-le sur Tinder. Bon, ouais, je suis là sur Tinder. Eric Carmen, vous pourrez me trouver. Mention spéciale aux nounounes, asti, qui vont chez concessionnaire de char de luxe, puis qui prennent une photo dans un char de luxe à l'intérieur de la bâtisse, asti, puis tu le vois, sa photo, Christine Ensemble, puis qui font semblant de conduire. Sans commentaire, asti. Salut, les amis. Merci, Eric. Mais non, vous êtes pas mes vrais amis, asti. Fuck you. Oh là là là là. C'est tout un 70%. C'est ton deuxième. Comment ça se passe, ça date, Ghislain? Ah, moi, tant qu'il y a de la bière, je suis capable d'en prendre. et voilà, j'aime les ça. Les choses se déroulent et vont couler. Tenez-vous là pour dire autre podcast. Ouais. Si vous voulez inviter Ghislain Tachereau. Ghislain Tachereau. Juste et, la bière. Et voilà. Sinon, moi, j'avais une question. Est-ce que toi, les sites comme ça, Tinder, Badoo, est-ce que ça t'a déjà... Ça me fait bien rire parce que, premièrement, Tinder, je connaissais parce que j'avais vu un article... qui disait qu'il y avait des chiens ou des animaux qui étaient là-dessus aussi, je pense, quelque chose de genre. Non? Hein? Tu peux swiper non, mais non, à droite de la belle chèvre. Non, que, hein, les gens, que les gens vendent leurs animaux via Tinder. C'est un site de rencontre, ça, là? Ouais. Ouais. J'avais lu un article, c'est comme ça qu'il est. Je vais checker si je peux changer sinon, les settings. sinon, Badoo, ça me dit rien. Ok. Et donc, plus de monde colle. Je pense que c'est la chose la plus douteuse qu'on a appris à soi. Du monde qui met le chef. Non, mais c'est vrai. Non, leur chien. Non, non. Si on peut mettre les chiens, on peut mettre les chefs. Je pense qu'il y a eu une confusion entre Kijiji, Craigslist et Tinder. Ah oui. Mais non, est-ce que je connais ça, mais. Moi, j'ai juste l'option Men Women. J'ai pas Sheep. Ah. Vous l'avez entendu à soi. Faut que c'est la version kazakhstanienne. Enfin, quelqu'un de crédible. And you must carry on. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va bien au brouhaha? Oui! Est-ce que vous êtes facile à faire crier? Elle savait. De toi, ça a pas l'air d'aller fort. Ça va pas très bien, Tommy. D'abord, bonjour. Tu fais répéter le monde deux fois. Oui, je sais, mais là, je me suis tenu à une. Ça va pas très bien. Bruno, bonsoir. Hey, salut, Toto. Dave Ash, allô, ça va bien? Non, mais c'est un Miss Doll. Dave Ash, écoute, je capote dessus. Alors, écoutez, d'abord, je veux vous avertir, attelez-vous. Ça se peut que ça soit confus ce soir, mes affaires. D'abord parce que je suis tanné de la bière qui est ici, fait que j'ai bu une 6 de bière libre avant d'arriver. Parce que non, là, c'est-tu de bière de carré rouge ici, là? Hein? Brassé avec de l'orge connu, esti. Ben, du malt célèbre, je suis plus capable, esti. Non, moi, là, je suis plus capable. Alors, fait que je suis arrivé un peu pompette et il faut dire que je me tiens beaucoup avec Mathieu Boudreau ces temps-ci. Et sans tomber dans les jokes de drogue dure, c'est pas facile sur le mental de se tenir beaucoup avec Mathieu Boudreau. Mais on s'y est ensemble parce que c'est une bonne cause quand même. On est en train d'essayer de convaincre Serpent Sylvain et son frère de reformer leur band. Alors ça s'en vient, c'est à suivre. Ça s'en vient. Sinon, écoute, j'ai des semaines difficiles, Bruno. Je sais pas si tu le sais. Oui. Moi, je te parle à toi, ça te dérange-tu? Non, non, c'est correct. Ben, allô, ça va bien? Hey, ça va bien, toi? Ben, tranquille. T'as-tu des semaines difficiles? J'ai des semaines difficiles. Oh. La cause est de plus en plus difficile à supporter. J'ai de plus en plus de misère à propager le message. Chané, écoute, je sais pas, je songe à abandonner sérieusement la cause. Et ça fait plusieurs... Oui, je sais. Encore, ça fait deux semaines de suite. Ça, c'est la troisième semaine où je songe effectivement à abandonner la cause. Et j'attribuerais ce mal, parce que c'est un mal, non, à ce que moi j'appelle la gauche de droite bien pensante. La gauche de droite. La gauche de droite bien pensante, qui est un fléau au Québec en ce moment. Tu peux prendre des notes. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Il faut noter. D'ailleurs, j'ai noté. Je vais donc me réinformer de mes notes. Ça vient d'où, ce parchemin brun foncé, là? Ça, c'est... écoute, c'est parce que j'ai pogné un nasty deal sur le papyrus. C'est pas cher. Ça se store bien. Bon, ça voilà. Pogne pas l'humidité. Ça pogne pas l'humidité, rien de ça. Ouais, une fois que t'as enlevé la viande dedans, ça écrit bien. Je suis quand même très content d'être ici, hein, parce que je profite quand même d'un droit constitutionnel de liberté d'expression, hein, pour venir vous parler ici. C'est extrêmement important. Tout le monde peut donner son 70%. Même j'encourage tout le Mais monde il le faut, il le à faut. Fournir mm-hmm. éternellement son 70%. Bien sûr, je suis donc content d'être ici. Mais pas content d'être contre cette gauche de droite bien pensante. Et les... ça, y a-tu quelque chose de pire, Bruno? Que les bien-pensants. Que les bien-pensants. Mais y a les bandes passantes qui sont pas assez passantes. Aussi. Ouais. J'aime ça. Je l'aime. 1-0 pour l'invité. Mais voilà. donc, si j'avais de la lumière, je pourrais lire mon texte. Ou si je l'avais mémorisé. Si je l'avais mémorisé. Mais comme je l'ai écrit une demi-heure avant d'arriver... C'est plus difficile à mémoriser. Ça, j'ai pas le temps, moi, d'écrire des chroniques. Je suis libre. Et merci beaucoup. Alors, je suis là ici avec mon message de liberté et je me bute à un mur érigé par des bien-pensants contre un système duquel ils bénéficient. On va arrêter de se mentir. Les bien-pensants bénéficient du système capitaliste. Merci beaucoup, Andy. Andy Jacques, mesdames, messieurs. Moi, je dis, tu ne peux pas être contre le capitalisme si tu as une job steady, autant de kids que de chars et des parents riches. Alors, c'est qu'on se le tienne pour dit. Si tu es dans ce cas-là, il est trop tard. Hein, je te le dis, la guerre est commencée. Tu as déjà choisi ton side. Il est trop tard. Et c'est pour ça que je te dis, le système là, le système dans lequel on vit en ce moment, on peut pas se battre contre. C'est impossible. Il est trop tard. Il aurait fallu que nos grands-parents réagissent. Il avait pas le temps. Il était libre, est-ce-tu? Fait que, ils ont fait de l'argent, puis ils n'ont pas le temps de se battre contre. Donc, ce système-là, il lui reste à peu près 50 ans maximum. Ça achève. Fait que moi, je dis, take the money and run. Shut the fuck up. OK? Alors, ceci étant dit, j'ai failli lâcher la cause, mais je m'y accroche parce que c'est trop important. Hein? Je mourrai soldat du système. C'est comme ça. Non, mais il le faut. Il faut des héros, hein, et j'ai décidé d'en être un. Avant de terminer, je voudrais aussi dire que, d'abord, un gros merci à M. Tachereau d'être ici avec nous ce soir. Je représente la droite gauchiste. La droite gauchiste du Québec. Extrémiste alto. J'adore ça. C'est un de mes humoristes favoris. Mais mon humoriste favori fera l'objet de ma chronique de la semaine prochaine, c'est-à-dire le roi de l'humour, le vecteur de liberté incontesté, j'ai nommé... Éric Duhem. Michel Baudry. Michel Baudry! Michel Baudry, dont les chefs-d'œuvre sont disponibles dans le journal du premier ministre... le journal de Montréal, pardon. Et c'est important de le lire, il ne faut donc pas manquer cette chronique. Michel Baudry, un grand, hein, je vous parlerai de l'homme, de la vie, et je vous lirai des extraits de ses chefs-d'œuvre, bien sûr, c'est extrêmement important. C'est un vecteur de liberté, parce qu'il s'en fait au Québec des vecteurs de liberté, il faut pas oublier ça. Il y en a. Il y a des soldats de la liberté au Québec. Il y a moi. Oui. Il y a Michel Baudry. Hey, sérieux, là, à deux, on pogne le reste de la bunch, il n'y a pas de problème. Alors, Sur ce, je vous souhaite d'abord d'être libre. Et si vous avez vraiment l'intention de l'être, un bon moyen d'être libre, c'est de me suivre sur Twitter et sur Facebook, bien sûr. Hein? Et on y va avec les hashtags d'usage pour me suivre. D'abord, il y a le hashtag « Je suis Angèle Coutu ». Hashtag « La guerre est commencée ». Hashtag « You chose your side ». Et hashtag « Resistance is futile ». Merci beaucoup! Ça a tout changé, ça. Moi, j'ai bien aimé ça parce que c'était comme un peu comme un film de Batman. Au début, Batman voulait plus être Batman. Puis à la fin... Puis là, à la fin, il était arrivé. Puis il a réalisé bien que rendu, c'était bien important d'être Batman. Il est rendu plus loin que d'être Batman. C'est la Batmanification de Toto. J'adore ça. C'est quel ton super-héros préféré, toi, Ghislain? Hulk. Moi, ça donne un bon. Non, parce que quand j'avais 12 ans, j'avais acheté une caméra Super 8. Il y avait la pellicule durait 3 minutes 20 secondes. Il n'y avait pas de son. Fait que j'ai tourné une petite capsule vidéo. J'avais pas de montage, j'avais pas de quoi faire un montage. Donc j'ai fait une capsule vidéo où je me suis transformé en Hulk parce que j'étais en train de jouer à patience avec un jeu de cartes. Puis il y a un gars à côté de moi qui arrêtait pas de dire prendre mes cartes puis de tasser mes cartes puis choisir à ma place. Là, je me changeais en Hulk. Mais j'avais à peu près la même taille qu'aujourd'hui, donc la seule chose qui se passait, c'est que je devenais vert avec une perruque. Et j'avais mis la caméra très près de ma chemise dans mon dos. Ah, pour la voir. Je tirais, puis j'avais fait une petite incision. Je tirais comme ça, puis on voyait la chemise se déchirer. Fait qu'on avait vraiment l'impression que je prenais de l'ampleur. Quand on me revoyait gros de même, Puis là, j'avais pris une vitre. J'avais mis deux points verts vis-à-vis mes yeux. Oh, je tenais bon. La vitre vis-à-vis mes yeux. Ah, je me changeais en Hulk. À 12 ans? Ouais. Non, excuse-moi, 16. 15. Ouais, 16. Yeah, 32, c'est-tu. Ah, okay. Non, 14-15 ans. Bravo, puis en plus, ça en a un bon. C'est pas vraiment un super-héros, Hulk. C'est plus comme par défaut. Il est comme tiraillé. Il est en tabarnak. Moi, je me rappelle, Pierre Brassard, il disait toujours, « Monsieur McGee, ne me mettez pas en colère. Vous risqueriez de le regretter. On a-tu eu l'imitation de Pierre Brassard qui imite exactement, quelqu'un? Exactement. C'est de toute beauté. On vit un très beau 70%, puis on continue ça avec notre prochain chroniqueur. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? Simon-Cul-Sonnet! Qui veut la job à tous les Québécois? Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Simon-Cul-Sonnet! Engagement! Salut! Non! C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Désolé. C'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Bonjour. Engagement! Monsieur Tachereau, mes hommages. Monsieur et Madame Godette, bienvenue. Merci d'être venu au pays. Chers collègues, salut. En fait, je devais pas venir ce soir. J'ai eu des petits problèmes de visa suite à certains propos tenus la semaine dernière. Un certain monsieur PC m'a envoyé une lettre, et ça c'était vrai. Donc du coup, j'ai rien vraiment préparé, mais en fait hier il m'est arrivé un événement un peu incongru. C'était à la Rétro Expo, et j'ai vu un vendeur qui faisait quelque chose de pas très bien. Donc plutôt que de brûler sa voiture, ses enfants, sa femme et tout son arbre généalogique, parce que le bois brûle bien généralement, J'ai décidé de tout simplement formaliser ça en un poème qui est moins agressif et moins violent, plutôt que d'éviter des procès et d'autres problèmes de visa, évidemment. Donc, j'y viens. Voici le poème par Simon Cussonnet, Le français et le vendeur sans face. Lors d'un très fret jour d'hiver, se présenta un incongru français que les propos imagés en rabais avaient fait bouter hors de l'enfer. Comme si son destin n'était pas assez désagréable, le diable l'expulsa tout droit à Montréal. Errant sans but dans l'enfer blanc, il jura, cracha et piétina des enfants. Puis, à force de déambulation, dans la neige qui lui tombait d'en face à gros flocons, il tomba nez à nez avec l'hôtel Rubifaux qui hébergeait ce dimanche la Rétro Expo. Après tant d'infanticides inutiles que l'ennui avait rendu plate, il se faufila dans le hall d'un pas agile avec ses joues écarlates. Accueilli par deux gros nerds habillés en furie, il crut un instant que Satan eut pitié de lui et l'avait ramené bien au chaud dans les flammes de l'enfer à côté d'Eliott Trudeau. Il s'acquitta de la somme de 2 piastres qui servait de cover pour sa coquinée avec les nerds en cuirasse qui diffusaient d'exquises fragrances de sueur. La salle de l'événement qui abritait la foule aventureuse était comme une Comic-Con passée à la sécheuse. En 10 minutes, le tour était joué et tu pouvais rentrer chez vous écouter la game à TV. Le Français déambula dans les rangées, se remémorant avec nostalgie qui jouait avec les figurines exposées avant de l'enfer être banni. Mais quelle ne fut pas la surprise, en plus des matantes déguisées en Furies, que de voir un numéro de Charlie Hebdo à un prix qui ferait pleurer un bourreau. « C'est l'original, puis coûte de 20 piastres !» lui tint le vendeur, à la cupidité crasse. « Et à côté, il y a des impressions en PDF. Je vous ai fait à 5 piastres, car vous êtes un chef !» La consternation resserra les poings du Français expulsé par le malin, car une forte envie de calciner ce grossier personnage faisait que de la conversation, nous n'en étions plus au bavardage. Pourquoi vendre ce journal aussi cher ? Votre bêtise me transperce. De la mort d'artiste, vous faites un bien sombre commerce. L'abject marchand prit son grand air, car devant son fils, nulle question de se laisser faire. Les gens me l'achètent, j'en ai vendu 30. À 20 piastres l'unité, ça fait 600 par semaine. Il y a une demande, moi j'y réponds. S'étalant de tout son ego et pensant qu'il avait raison, il s'enfonça avec brio, dans son argumentaire des troncs. Pis moi, là, journal, je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est un esti de torchon. Lorsque je vais à la selle, je porte les pages à mon rond. Anyway, cet assemblage de papier, c'est que du mauvais goût. Il a l'air cool, ce gars-là, aussi, grain. C'était ton père, non? Le Français fulminait l'écarlate sur les joues, mais devait se contenir pour éviter toute forme de procès. Le mauvais goût, c'est de le vendre 20 piastres, répondit le Gaulois, le rouge sur la face. Le vendeur, dont l'avidité coulait à profusion, rota cette réplique qui clôt la conversation. « Bah l'achète pas alors !»« Comment fais-tu chaque matin pour te regarder dans une glace quand tu spécules sur la mort des autres pour grappiller 20 pauvres piastres ?»« Il me prendrait bien des chroniques pour énumérer les actions de Butor qui se font leurs sesterces sur le dos des morts. » Et la rétro expo laisse un goût amer lorsqu'elle laisse exposer en son sein des peines-culs, des branle-manches, des culs de race en la personne de ce vendeur sans face. Merci. Cussonnet, non, reste à côté du micro, là. Moi, je veux juste faire sûr qu'on a bien compris tout le monde. C'est pas moi, j'ai mes papiers. C'est bon. C'est chill. Je peux rester. Ah, y a pas de problème. Puis pas toi, tu vas pas me balancer. Tant que tu chantes pas là au Canada, y a aucun problème. Moi, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a un gars qui vendait l'exemplaire original de Charlie Hebdo qui est sorti juste après la fusillade mortelle, 20$ chaque. Oui. Et qui se trouvait rusé, ouais, et intelligent et utile dans quelconque processus. Et qui a l'air très content, parce que quand je parle, des fois, ça s'entend que je suis pas du coin, puis... en fait, ouais, il m'a fait « Allez, 20 piastres, vas-y, c'est bon, mec, c'est pour toi. » C'est l'affaire du siècle. Genre, il était content. Parce que t'étais français, t'aurais dû plus avoir envie de l'acheter. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et le mec était... Tu sais, j'ai vu la flamme, genre... Je l'ai ben senti, oui, un peu d'avoir une, ben mimole, oui, tu sais. On appelle ça dans le jargon, c'est une mimole. Parce qu'il les aurait vendus 30 piastres si les méchants avaient tué genre 12 personnes à la place d'en tuer 6, genre, peut-être. Ouais. Bon, ben, en tout cas, t'as parlé de Pierre-Éliott Trudeau en enfer. Oui. Ça va à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Simon Cussonnet. La météo maintenant pour... Oh non, il nous en reste un, c'est mon préféré. Puis là, on part pas la toune. Ouais, c'est excellent. Je t'avais jamais vu comme ça. Recevoir des coups de micro sur la tête. Ouais, c'est comme ça. Salut, bonjour, monsieur Tachereau. Oui, avec un accent, c'est complexe. Ouais. Sérieux, je me sens comme une fillette à son bal définissant. Vraiment. On se rejoint dans la toilette. Hein, genre. Oh, wow, monsieur Angélil me parle. Tu m'as reconnu. Je suis désolé. Je pensais que tu me reconnaîtrais pas. Ça passera pas, là. Tu, f- feras pas passer ça. Tu travailles avec tes QA, je passerai pas ça. Là. Tu passeras pas ça. C'est excellent. J'adore ça. Mathieu. Ah, ouais. Un peu de sérieux. Non, mais je vais le lire, moi, ici, mon texte. On est à 70% d'effectif. Voilà. Je me sentais fébrile cette semaine, Tommy. Et Dieu merci, les dictionnaires existent. Là. Qui? Les dictionnaires. Dieu? Dieu merci. J'ai dit Dieu merci, mais Dieu, tu sais, il est à l'intérieur de toi. Tu fais ce que tu veux avec, si tu m'écœures avec, ça se peut que Dieu se transforme en batte de baseball. OK. C'est on se rejoint dans la ruelle, Céline. Waouh, je vais me battre avec René. Je veux filmer ça. C'est sûr que j'y casse la gueule. Il est sur le bord de la crise cardiaque. Frappe pas trop fort. Come on, là. C'est un vieux. Ouais, t'as raison. Le temps s'en occupe. Ouais, c'est ça. J'ai déjà gagné. C'est une question de minutes. Bon. Non, mais fébrile. Non, calme-toi. Fébrile, un état d'excitation nerveux intense. Déjà, juste à le savoir, je suis déjà moins nerveux. Hein? Ben ouais, c'est comme ça. C'est que vendredi passé, vers 2h30 l'après-midi, je me réveille. Encore, je dois t'avouer, un peu saoul. Mais assez sobre pour réaliser que j'ai plus d'oreiller. Fait que, ben, hein? Fait que je me mets à penser à la joke du gars qui rêve à manger des guimauves toute la nuit, tu sais. Et je ne trouve pas ça très drôle. Mais bon, vite à l'odeur, je me dis, au moins si je l'ai mangé, je l'ai aussi vomi. Non, mais une tabarnak de brosse. De celle qui se compte, qui compte les jours en millilitres. D'ailleurs, pour ceux qui chercheraient peut-être à suivre comme moi la voie de l'ivrogne, il faut savoir que généralement vient un moment dans le party où ton esprit disparaît et ton corps reste seul, hein? Parfois mobile, mais toujours tenu uniquement par tes instincts les plus primitifs, c'est-à-dire la colère, l'orgueil et la ventilation pulmonaire. De ce fait, hein, il est inévitable là, pour tout bon robineux d'adopter la méthode que j'appellerais de la double épaisseur. Hein. Deux pantalons, deux chandails et deux caleçons. Déjà, on évite environ 40% des éclaboussures. Et je prends un sujet puis je m'en vais là-bas. Tout ça pour dire que c'est pas 72 heures de comportement anti-évolutif de plus ou de moins qui vont m'empêcher de retrouver mon oreiller. C'est une enquête! Donc, je me lève d'un bond et je sors de ma chambre. Et là, je commence. Salle de bain, salon, cuisine. Il y a un peu de boîte, du sang séché, mais pas d'oreiller. Hein. Salle de séjour, vestibule, garage, pas d'oreiller non plus. Après ça, salle à manger, solarium, bibliothèque. Coulon, Tommy, c'est grand chez nous. Quand même, tu sais. Et c'est exactement à ce moment-là que j'entends mon fils parler. Il a l'air d'être au sous-sol, et ça, je me souviens qu'on en a un. Donc, je descends. Un fils? Un fils, oui, j'ai un fils. Ouais. On se souvient qu'on en a un fils? Généralement. Ah, okay. Généralement. Ça dépend qu'est-ce que t'as pris toute la semaine. Je te dirais... Ah oui, on a eu du fun en esti. Fait que c'est ça. Fait que je descends dans le sous-sol et je découvre mon oreiller, hein, ainsi que tous les autres oreillers de la maison, attachés à la taille de mon fils. Il avait même mis les coussins du divan puis les serviettes de bain à travers. Hein? Il s'était fait une chemise avec une vieille nappe puis il avait déjeuné avec du McDo. Mon fils jouait au ministre Barrette. Le coquin. On le reconnaît, là. On le reconnaît. Le coquin. « Écoute ça. Pendant que ces tortues ninja gardaient l'entrée du Parlement contre les protestations du Capitaine Planète puis de trois toutous de petits chats torse nus, hein, les anarches Hello Kitty. Ouais, ouais. Fiston avait installé ses toutous sur des chaises puis leur installait des petits baillons. Ben là, des petits baillons cute. Des petits baillons pas trop serrés, là, quand même. Là. Ah, dans le fond, c'est des couches usagées qui... Voilà, ils tournent ça, puis tout ça, tu sais. Ben là, c'est ça, pas trop serré, là. Tant... Du genre que t'entends encore la voix, mais qu'on s'en crisse. Ah oui. On s'en crisse tellement. Tu fais ça à chaque lundi, Mathieu. Je le sais, c'est ma forme de blague préférée. C'est pas con. Mesdames, ouais. Messieurs, Tommy Godet has left the building. Je vais me recentrer. Non mais c'est vrai, dans le fond on s'en crisse, tu sais, ben ouais, tu sais, de ce que tu dis, de ce qu'il dit, de ce que je dis. Monsieur le Président, c'est avec vigueur que je dénonce le mépris du gouvernement envers les citoyennes et citoyens du Québec. Encore une fois, les pratiques déloyales d'un gouvernement oumf, oumf, oumf, oumf, oumf. Mon fils y avait mis un baillon. Ah. Non mais moi pour vrai j'aime ça le regarder jouer, tu sais, ça me rappelle toute l'innocence et la créativité que la TV et les responsabilités m'ont volé. Et ça a pas de prix. Ouais. Et quand il a eu fini de baïonner ses ministres, il est allé voir April O'Neil, Dora l'exploratrice et sa photo de Chantal Hébert. Pour leur dire, je ne suis pas intransigeant. Et je l'ai toujours dit et je le redis, je suis à l'écoute de tout le monde. Qu'on me fasse la démonstration que ce que je propose n'aura pas l'effet escompté, je vais modifier les choses. Puis là, il a pris une grosse bouchée de cheeseburger puis une grosse gorgée de 7-Up avant d'avaler le reste de sa poutine puis ses ailes de poulet. Personnellement, c'est le bout où que je trouve le plus vrai dans ce que je viens de dire. Quand ton fils joue au ministre Barrette, genre. Il arrête pas de jouer à ça. Ouais. Le gars, il s'en calisse pour vrai de la santé, là. Tu sais, c'est moi, je veux une double incroyable. Mais à force de le critiquer, on va se rendre malade. Ben, je suis bien d'accord avec toi. T'as bien raison. On va sortir un autre 10 de ton beau-fils, je crois. Oui. Ouais. La voix. Je sais pas de quoi tu parles, mais en tout cas, Moi non plus, mais on est là pareil. On suit pareil. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Sur Twitter, Facebook. Papa! Calme-toi. Papa! Papa, pourquoi t'es en train de raconter au monde des affaires sur moi? On dirait que je suis gêné. Mon fils. Allô? Voilà. 8 ans. 8 ans depuis... Depuis 2012. Ouais. Écoute, depuis un nombre incalculable d'essais-erreurs en ce qui concerne la pose de puce, Tommy. Voilà. Il a mis une puce dans la tête. Et Fait que là, j'ai l'impression qu'il a besoin d'une réponse. Je sais pas comment m'occuper de ça. Tu l'as bien. J'utiliserai donc une méthode approuvée par nombre de spécialistes réputés, hein, la communication. On va dans la bonne direction. Fiston, si je suis en train de raconter un de tes jeux, hein, c'est parce que c'est beau de te voir recréer le monde de tes idoles. Puis Puis en illustrant ça, ben, je voulais dire aux gens que même s'ils font des choses pas correctes, les autres, il faut pas les haïr, mais il faut rester créatif. Oui, oui, même quand t'es dessinateur. Ouais. C'est parce que le combat, il est avant tout en nous. Hein? Si la personne change, sa culture change. Bon, là, c'est l'heure d'aller te coucher. Moi, je sais, t'as rien compris, c'est pas grave. Tu réécouteras. En archive. En archive. Cette chance-là. C'est l'heure d'aller te coucher, fait que, ben, vas-y, là, demain, t'as un cours de combat extrême, hein? Ben oui, ben, va falloir encore que papa, il nettoie tes plaies, puis tu le sais comment ça peut être long, ça. Mm-hmm. La dernière fois, t'avais veillé jusqu'à minuit. T'étais content? Ben, c'est ça. À soir, tu te couches de bonne heure. Demain, ça va dépendre de ton match, oui. J'ai confiance en toi. Bonne nuit. Oui, oui, je t'aime. Oublie pas tes dents, là. Piston. Il arrête pas de venir me déranger. Il est tannant. En terminant, je veux pas prendre trop de temps. Écoute, baillons ou pas, hein, loin de moi l'idée d'envoyer chier le gouvernement. Hein. Ça se fait pas. Ben, Christian Bégin s'en occupe. Ben oui. Et voilà. Mais il s'excuse. Et, non, mais je compte bien récupérer son contrat avec IGA. Bon, je cuisine pas super bien. Là, j'aime mais ça, qu'est-ce... cuisine. J'aime ça. Ouais. Je cuisine. Et une image de me fait cuire la graine. Pas très, Ouais, mais moi, j'ai pas fini là, mes cours au cégep. Là, j'étais trop occupé avec Lucy in the Sky with Diamond. C'est ça. Je cuisine pas super bien, mais écoute, question vino, je ne laisse pas ma place. Hein? Tellement que la SAQ a décidé de me faire une section à mon nom. Hein? Ça, c'est juste à côté de la porte. C'est aussitôt que je prends une bouteille, il y a comme une cage qui descend. On appelle ça l'espace scellé. C'est comme ça. Sinon, mon nom est Mathieu et je vous invite à ma conférence sur le thème de la souffrance. Ça s'appelle « Être dominé par ses démons » ou « 24 heures dans la vie d'un chanteur québécois alcoolique ». L'entrée est 100$, mais c'est gratuit pour les fans de Claude Dubois. Moi, je dis, tu sais, si je peux en aider juste un, c'est déjà une victoire. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs! Ah oui, Mathieu Boudreau! C'est de toute beauté. Mathieu, merci. Ghislain, peut-être essayer de tempérer ça. Parle-moi. Hein. Tempérer ça, pourquoi? Ouais, c'est fabuleux. C'était une liberté encore, d'expression au total. Vit ça ici. À chaque j'adore lundi, ça. Là. En plus, les ding-dongs vous ont laissé leur manteau. ça boucle la boucle. Ah oh oui. Oh non, oui. Non, mais vraiment, je suis charmé. Je trouve ça trippant que tout le monde puisse s'exprimer autant. Puis. Il m'écoute en plus. Je leur parle, il m'écoute. Ah oui, est-ce que t'es capable de mettre ton poing dans ta bouche? Non. Check back. C'est un événement radiovisuel. Ghislain, si tu savais comment on a tout out que ça reste pogné, mais ça reste jamais pogné. Moi, je me demandais toujours par quel pays tu peux le sortir après. Ah, c'est super bon. On arrive vraiment à la fin du show. Check ah, point. Ouais. Ah oui, je veux un générique. Non. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Explosion, guys. Ah, j'ai tellement de plaisir. Alors, salut maman. Salut maman Godette. La famille d'un garçon de 6 ans du Missouri qui trouvait que l'enfant était trop gentil avec les étrangers a décidé d'utiliser une méthode créative pour lui apprendre à avoir peur. Ah, oh, ça va mal finir, ça. Tu penses? Ah, oh, les joies du kidnapping de tantôt, flashback. La tante du garçon a demandé à ses collègues de travail de l'aider à kidnapper son neveu. Il a ensuite été transporté dans un sous-sol où on lui a appris qu'il serait vendu comme esclave sexuel, qu'il ne verrait plus jamais sa mère et qu'il serait cloué au mur d'une remise. Et le kid a fait « Yes! » Il a éventuellement été relâché après s'être fait sermonner sur les étrangers. C'est vrai que moi, à chaque fois que je croise quelqu'un qui a l'air louche, je me dis « Ils vont me clouer quelque part. » Ben oui. C'est... Les étrangers, le grand ensemble, oui, le grand mal, ensemble. Non, mais quand je dis là, quelqu'un, je trouve là, tout le monde, je connais personne. Oui, exactement, là. On connaît personne. Tantôt, là, en marchant, m'emmener ici, là, j'ai croisé plein de gens que je connaissais pas. Je me disais, ils vont me clouer, ils vont me clouer, ils vont me clouer. À l'heure de pointe, c'est des soufflants. Je le répète, ils vont me clouer, ils vont me clouer. Mais je dis, on fait une toune avec ça. Ça fait beaucoup de pain de yeux, plein de mal. Exactement. L'école du jeune garçon a appelé les services de protection de la jeunesse, affirmant que le garçon avait été kidnappé. Lors de l'interrogatoire, les membres de sa famille ayant participé à la leçon, j'ai mis des guillemets, ont affirmé qu'ils le faisaient pour l'éduquer et qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient fait de mal. Le juge leur a expliqué kidnapping, négligence criminelle, abus d'un mineur. Moi, je gage que ce gars-là va avoir un drôle de fétiche dans 20 ans. Ben, ouais, en tout cas, on est en train de fabriquer quelque chose de spécial. Là, bravo aux parents. Ben oui, voilà, exactement. L'avenir. Il en reste une autre. Enfants. Il m'en reste une dernière. Une cliente de la chaîne de supermarché Tesco au Royaume-Uni utilisait la caisse libre-service pour payer son contenant de fruits découpés quand la caisse électronique lui a demandé de se présenter à un préposé pour prouver son âge. Parce qu'elle achetait des fruits découpés dans un... Il découpait avec des couteaux. Suite à une rapide enquête de sa part, elle a appris que les achats de fruits sont contrôlés à cause de la possibilité de fermentation qui pourrait mener les jeunes à se saouler illégalement. Pas de contrôle sur les bonbons, par contre. Fait que, est-ce qu'on a une entrevue de la jeune fille? Non, on n'a pas d'entrevue. Ah de oui, on l'a ici. Ah, on l'a ici! Ben moi, je trouvais ça correct. Je me disais, Chris, je vais manger des fruits, je vais toutes les mettre dans ma bouche. Je les avalerai pas. Je vais attendre. Puis là, un moment donné, si moi je l'ai, poignet quoi? C'est sûr, ça va mûrir, ça va surer, ça va fermenter. Ça va mener dans mon dos de cerveau, puis Chris, mon poignet est bon. Merci. Et pas pire. Ah, hein? T'as oublié l'accent british. Merci beaucoup, on est en direct d'Angleterre. Ouais, mais elle était bizarre. Elle était très bizarre. S'acheter des fruits coupés, vraiment, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir. Moi, j'ai vécu un superbe 70%. C'est beaucoup grâce à notre invité ce soir. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, on applaudit juste là. Merci. Il a dit qu'il aimait ça, fait que ça veut peut-être dire qu'il va revenir. Hein? Qui sait? Mais hey, Tommy! Il reste quand même à 15 minutes de marche. Tommy, on a quand même une tradition à 70% quand on a un invité, parce que Chinook est dans la place, hein? Chinook est... Mesdames, messieurs, il n'a pas été là, et ce soir, on accueille notre ami Chinook! Je vois une bribe de débrébus sur le visage de notre invité. Et en fait, c'est que Chinook, c'est le premier danseur officiel de quelconque podcast de l'histoire de l'humanité. Et quand Chinook est là, il vient danser. C'est aussi, et de loin, le meilleur danseur de l'histoire de la radio. De l'histoire de la radio, monde. C'est sûr. Ben oui. C'est sûr et certain. Il devrait danser en braille. Donc, voilà, on a... J'aime ça quand t'es là, toi. Sinon, ben, merci beaucoup à Mustapha. Merci infiniment à Éric Carmen, Too Bad pour Jean-Sébastien. Merci à Mathieu Boudreau. Toto qui a parlé de liberté. Merci à Andy, merci à Élise qui nous aide sur le compto. Merci à Bruno, je l'ai dit tantôt. Et là-dessus, je me lève, je m'en vais rejoindre les VJ de la soirée et permettre à la salle de d'effectuer sa métamorphose pour devenir quelque chose qui va ressembler à la soirée qu'on va vivre à partir de tantôt. Eh oui, tu t'en viens, mon ami? Ah oui, j'arrive. Donc ce soir, deux VJ recrues, mais pas n'importe qui. On a Simon Gussonnet, que vous avez entendu tantôt, et que je remercie maintenant pour son 70%. Oui. Et bien entendu, Yannick Lepage, que, en fait, vous avez pas vu tantôt, mais que je remercie maintenant pour son 70%. C'est en notre passant, technicien en chef. Simon, j'ai des commentaires d'une personne de la Gaspésie qui nous écoute. Salutations, Christine. Qui salut, te Christine. Trouve très, très, très marrant dans toutes tes interventions, de la manière que t'imites les Québécois et tes poèmes et toutes tes histoires à tout le monde sur ton cas. Marrant ou marron? Marron. Ah, ok. J'étais pas sûr si c'est l'accent. Marron. Ouais. C'est marrant. Mais ouais, oui, on nous écoute en Gaspésie. Ben, ça fait très plaisir. Ben, c'est de toute beauté. Écoute, 70%, moi, encore une fois, j'encourage. Et d'ailleurs, cette semaine, on a vu l'article, tout le monde a lu l'article du Globe and Mail qui nous a rappelé que vivre à 70%, c'était mieux que de vivre à 100%. Et ça, c'est une philosophie d'existence qu'on propage depuis presque 10 ans maintenant. Ce soir, messieurs, vous êtes les VJ. Oui. Peut-être nous parler un petit peu rapidement de quoi vous allez nous projeter, nous marteler ce qu'il y a en arrière de nous. Ben, en fait, moi, avec notre invité d'aujourd'hui, eh bien, c'est sûr que j'allais revenir dans des meilleurs et moins meilleurs moments des Bleus Poudres, sans limite, taquinons la planète. Je n'ai rien de chose, par exemple. Toi, t'es en j'ai train de me dire... J'ai un aveu à faire, j'allais t'es, pas... T'es non. Le premier VJ de l'histoire de Douteux qui a fait une playlist en fonction de l'invité de 70%. Effectivement, mon Gilles. Ben, très content d'apprendre ça. De l'autre côté, Simon Gussonnet, un classique, en fait, ben... Toi, t'as comme appris de Baxter McCunn qui s'est rendu en finale des Caliques la première fois qu'il a participé. T'es comme le contraire, l'opposé, le bizarro n'importe qui quand on parle de quelqu'un qui peut faire des projections. Ouais, c'est ça, c'est que avec Baxter, on avait pas mal bossé sur pas mal de trucs, on s'est retrouvé avec pas mal de sources, puis en fait, cette semaine, j'ai passé mon temps à checker d'autres sources parce que je vais souvent au lundi douteux, puis il y a surtout des bouts de québécois, etc. Puis en fait, je vais vous infliger des bouts de français et puis quelques vidéos qui vous montreront comment on vous voit 6000 km plus loin. Donc c'est bien, puis ce sera interactif, j'en dis pas plus, mais... Toi, quand tu dis « vous voix », t'es en train de dire, t'es pas en train de parler de vouvoiement, t'es en train de dire les gens de France voient les Québécois d'ici. C'est ça, exact. Ah ben ça, voilà. J'aime ça, ça va faire contraste, tu vas peut-être mettre fin au mythe que t'es le français de la gang en présentant des affaires de français. Ouais, peut-être, ouais. J'en sais foutre rien. Sinon, ben, baissez l'écran qu'on commence ça. Oui. Ça va être de toute beauté. On est à 70% qui se termine. À partir de maintenant, on passe au visionnement douteux. On va sortir les projectiles pour ceux qui sont dans la salle. Merci beaucoup de nous suivre. La semaine prochaine, je sais pas encore ça va être qui l'invité, mais Mathieu, puis Simon Gussonnet, puis tous les amis vont être là. Ça va être de toute beauté. Là. Bon, fait qu'on vous passe. J'aurais pas dû juste en dire deux. Encore une fois, je veux terminer là-dessus. Merci à Justelin, merci beaucoup à Justelin Tachereau. Allez acheter son roman Tag, et puis allez acheter le prochain qui s'en vient. Oh, en fait, moi, l'inspecteur, j'ai hâte de voir le film. Bon, fait qu'on va essayer de partir ça. Si tout va bien, je vais double-cliquer là-dessus, puis tout va bien partir. Je vais double-cliquer là-dessus. Hé, hey, tabarnouche, encore un problème technique. Non, il y a gelé, là, comme d'habitude. Ça en a viré personne, mais il est quand même beau bonhomme. Ça parle au carrosse. Carrosse de patte en ta gosse. C'est juste un petit problème technique, ça sera pas long. Gouillez-vous! Bon, prenez-vous un type en attendant ou une liqueur, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu feras bien? J'ai une idée! C'est une trampoline. Bon, qu'est-ce que tu feras bien, donc? Ah, tenez, je vais te poser une devinette. Quelle différence qu'il y a entre un policier et un boomerang? Mais le policier, quand il tire, il revient pas, lui. Bon, qu'est-ce qu'il se posait pas? Hey, j'en ai une pour toi, Binette. C'est quoi la différence entre une grenouille pis une cheminée? Je sais pas. Ben, les cheminées, elles explosent pas quand t'as fait fumer. J'en ai une, moi, Bob, là. Ouais. Sais-tu pourquoi Dieu a pris 6 jours pour créer le monde? Non. Ben, parce que c'est juste ça qu'il manquait pour avoir son chômage. Ok, donc, hein, Binette, sais-tu c'est quoi la différence entre un pitbull pis un Traction Aid? Non. Ben, le Traction Aid, il te saute pas d'en face quand t'ouvres ta valise. Platypus rabbits, I'm in a battle. Platypus in battle, okay, you're in battle. La connais, celle-là, on la connaît, va-t'en. Yeah! Hey, c'était-tu le vrai des vaches? Tu t'es mis à perdre. Oui, hey, quelle différence y a entre une souris pis un briquet? Ouais, tu me fous, là. Ben, la souris, elle marche pas mal moins bien quand t'as rempli de gaz! Ah! Ah! Oh, rebond, rebond, rebond, rebond, rebond! Bon, quelle différence y a-t-il entre Trudeau pis une cicatrice? Trudeau pis une cicatrice? Je sais pas! Ben, la cicatrice, tu la traînes jusqu'à ta mort, pis Trudeau, ben, tu la traînes jusqu'à ta qui meurt! Ah! Ah! J'en ai une, moi. Quelle différence y a entre un strain pis Michel Louvain? Mmh. En tout cas, s'il y en a une différente, il y a un tout qui connaît certains. Ah! Ok, donc, tu sais quoi la différence entre un urinoir pour chien et Jean Doré? Aucune idée. Ben, l'urinoir pour chien, il sert à quelque chose, lui. Hey, quelle différence y a entre une moufette et Pierre et Trudeau? Moi, j'en vois pas, mais il y en a sûrement une. Ben, la moufette, quand ta voix est écrasée sur le bord du chemin, t'as de la peine! Oh, ça me fait penser, c'est quoi la différence entre un nid de poule pis Daniel Johnson? Tu vas me le dire? Ben oui, le nid de poule va être encore là l'année prochaine. Yeah! Ouais, ouais, ouais, ouais. Quoi? Quelle différence qu'il y a entre une bouteille de liqueur pis un anglais? Je sais pas. Ben la bouteille de liqueur, quand t'es vide, elle vaut encore 10 cents, Monsieur Parizeau! Monsieur Binette! Pitou, pitou, beau pitou! Quelle différence y a entre Jean Chrétien et des cigarettes? Ben dis-moi-les! Il y en a pas, ils sont tous les deux plus vendus que jamais! Yeah! C'est Parizeau! Ben oui, c'est ça! Hey, j'en ai une, moi! Le gars, arrive! Wow, ça va faire les niaiseries! Je vais vous en conter une blague, bande de minables! Allez-y, Monsieur Trudeau! C'est quoi la différence entre un homme du peuple pis moi? Je sais pas. Ben, l'homme du peuple, il ferait jamais ça, lui! Oh! Tiens! C'est l'homme, il monte pas, là, Trudeau! Attends un peu, tu me tiens! Juste pour bien m'aider! Mesdames et messieurs, bienvenue à votre programme principal. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite calvaire, astite ciboire, calice de tabarnak. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite calice de sacrement, ciboire de Saint-Hostie. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite crise de tabarnak, astite calice de vierge. Astite crise de tabarnak, ainsi calice de vierge. Ah ouais, voici, passe à la défense. Ramène la puck, puis lance-le direct dans le filet. Ah, oh, excuse, t'es pas sur la glace. I hear birds can't fly this high. I hear only angels can. Where's the bomb? I am the bomb. You do it! What are you doing? You do it! Get off of that camp! Stop us something! Thank you. with Mongol batteries for buying commands through the journey. And again, such a plan of vitamin, riboflavin, tinamin, niacinamin, aspirin, nicotine, timin, acetaminophen, and phototillin. Hey, bet it! The unsurprise will end the rire. Wow! Le beau sac! Maintenant, je peux mettre mes céréales. Can't Heineken, Heineken Dapplin. Can't Heineken, Heineken Dapplin. Oh, my gosh, yeah, I'm around. Laggins and laggins. Quest of Mechanus, horde of horde. We get to Laggins. Quest of Mechanus, horde of horde. We get to Laggins. Quest of Mechanus, butcher was use. We get to Laggins. Quest of Mechanus, butcher rectal. We get to Laggins. Quest of Mechanus, sad and friend. We get to Laggins. Quest of Mechanus, scumbrel is and goals. We get to Laggins. Quest of Mechanus, mad lapine. We get to Laggins. Quest of man, that opens a family jam. I can make a grand, the door to dim, the poor sink in. We get to Laggins. Mercy, Ganta Leggins. Fed Lair. Leggins to Leggins. The Fed Lair. Mom Farron Bow Sunday Patana Rappers. Mom Farron Bow Sunday Patana Rappers. Hey! Venez chez Pizza Hut vous en donner à cœur joie avec les Sundays les plus fous de l'été. Il y a plein de sauces et de garnitures amusantes, autant que vous en voulez. Et maintenant seulement 99 cents à l'achat d'un repas dans les restaurants Pizza Hut participants. Hey! Robin the Sunday! Pizza Hut, la plus hot. Planning to give one of these to Kanye for Christmas. All right, well, I think we... Ah, sa mère est née ici, c'est moi qui l'ai débourré. Sa grand-mère, je l'ai montée aussi. Et je réfléchis. Et même son arrière-grand-mère, je l'ai montée aussi. Alors, et son père, c'est moi aussi qui l'ai débourré, qui l'ai vendu. Alors c'est vraiment une histoire de famille. Mais si jamais elle se durcit dans la bouche et qu'elle accélère, ne règle pas en voulant la ralentir. C'est pas très grave. C'est pas grave si tu veux finir la game, mais oublie pas de fermer les lumières avant de partir. Je vais t'attendre dans le char. On y va pour un petit bloc d'explosion, des choses qui explosent. Biggest reactive target explosion on YouTube. What's your 3, 2, 1? Isn't that the coolest thing you've ever seen? Prendiamo la Nutella e la andiamo a mettere qua. Inizia la reazione! Vai con la reazione! Eccola! Incredibile, ragazzi! La Coca-Cola e la Mentos sta reagendo! Sta reagendo! Record del mondo! Record del mondo, ragazzi! Guardate! Guardate! Eccolo! Hey, ma le bleu poudre aussi hanno fatto esplosare des affaires pendant leur temps! Bon, un autre dossier de régler. La guerre du golf. Rudolph est-elle vraiment terminée? En tout cas, au front, il n'y a plus un chat. Ah si, il y en a un. Minou, minou, minou. Un autre coup signé, Saddam Hussein. Allô, faites-vous la livraison? Oui. OK, on va prendre un Scud. Puis une liqueur. Un Scud et une liqueur. C'est pas si, monsieur. Now everybody gather round and listen if you would. When I tell you every person needs a way of feeling good. Every kitty needs a ball of string and every dog a stick. But all you need is a bag of weed to really get a kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A bag of weed, a bag of weed. Oh, everything is better with a bag of weed. It's the only help that you'll ever need. Because everything is better with a bag of weed. There you go, you're all getting it now. When Texas people wanna feel good, they go assault a queer. When stupid people need a thrill, they rent the Rocketeer. When Michael Jackson needs a rush, he humps a guy like me. But all we need is a bag of weed to keep us worry-free. 1, 2, 3, 4. A bag of weed, a bag of weed. Oh, everything is better with a bag of weed. Oh, you don't need nothing, you don't need speed, because everything is better with a bag of weed. Have a go, Brian. As Mr. H.L. Mencken said, the common man's a fool. And just like Helen Keller said, poof boogie people ghoul. But try and use your heads and don't buy into all the fear. Cause all we need is a bag of weed to make us wanna cheer. And 1, 2, a bag of weed, a bag of weed. Oh, everything is better with a bag of weed. You can try and fight, but we're all agreed, because everything is better with a bag of weed. Les pipelines Montréal. Ça a pas que Lynn avait commencé à travailler. Ghislain, j'aurais une question 1980. Pour toi. Arafat fait sa première blague en public. Yo-Jo! Ta première blague. J'étais en plein centre-ville de Montréal, plein milieu de la rue, et je me détendais en léchant la ligne blanche, car selon ma femme, c'est bon pour les varices. Je me penche et qu'est-ce que je vois? Un dixaine qui était là tout seul et qui me regardait et semblait dire « Ramasse-moi et va me dépasser en achetant de la réglisse. » J'ai dit « Je vais te secourir. » Je m'étire un peu puis j'essaie de l'atteindre avec un des bras que j'avais après mon corps, mais c'était peine perdue quand les autos passaient à vroom, à vroom, à vroom, à vroom, mon âme. D'un coup, ce pauvre dissous, sa défense, se fait passer dessus par un dirou. J'ai eu deux cincaines. Ah, well, Lord, whoa! Hey! The top of the hub, the Pizza Hut's is Tiger Dew! The top of the hub, the Pizza Hut's is Tiger Dew! Just Tiger Dew! Les 5 nouvelles tables d'hôtes de Pizza Hut. Des repas de pâtes et de pizza qui vous en donnent gros à très petit prix. Dès 16h tous les jours à partir de 6,99€. Bon prix, bon appétit. Ah, that's a lot of booze to our partner. Pizza Hut, la plus hot. Avec de nouvelles afficheurs de Beau Canada, tu peux savoir c'est quoi le numéro de tes tâtés de signaler. Kitty, t'es mon numéro chez nous. J'espère que tu es là. Beau Canada, toute sorte d'affaires de même. Bob! Bob! T'as d'autres, c'est moi. Binette reçoit. Avec votre animateur, Bob Binette. Ah ben, Kitty, bonne, elle est bonne de lui, de dette. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis très content d'être assis ce soir parce que notre souhait de célèbre invité d'amis de Marcel Lassalle. Bonsoir. Alors, Marcel Lassalle, tu passes pas par quatre chemins. À ce soir, on doit te poser des questions, pas mal d'indiquettes. Fait que, je vais te m'arranger pour pas petit tour pendant l'émission. Hein? Tiens! Je travaille bien, je t'ai prêt, madame. Merci. Bon, on tient d'affaire. Tu me disais avant l'émission que tu t'es fait voler ta blonde, Céline Dion. T'es fait si longtemps que t'étais poigné avec elle. Ben écoute, mon homme, Céline, je l'ai connue, elle était haute comme trois pommes. Trois pommes? Là, tu veux dire 8-10 pommes au moins, là? Ben, 5-6. Ben, mettons une quinzaine. Ah, je dirais une dizaine. OK, ben, mettons 5 citrouilles, mettons. Ouais, OK, 5 citrouilles, mais 5 citrouilles vides. Ben oui. Mais comment t'as commencé, vous deux? Ben écoute, quand on était jeunes, Céline puis moi, on a toujours été pas mal de sexes opposés. De tous les deux? Yeah. Mais ta valeur, tu peux bien aller, toi, puis Nénine, là, comment tu sais qu'elle t'a laissé? Ah, je comprends pas ça, parce que tu sais que nous deux, ça allait carrément bien. Ah! J'étais même supposé y faire l'amour à Noël, ça coûte pas cher, puis ça aurait fait un cadeau pas si pire. Ben, en tout cas, ça n'en veut pas, tu vas te le prendre, moi. Mais dis donc, partagez-vous vos activités à deux, ou si vous faisiez vos affaires ensemble? Ah, on a fait plein d'affaires ensemble. On a fréquenté la même garderie. Ah, ben regarde, justement, on voit des photos, là. Ah, ben tiens, regarde ça, hein. Qu'est-ce que t'en donnes bien? On louait des enfants dans les centres d'achat. On se faisait poser avec eux autres. On participait au même concours. On allait chez le même coiffeur. On engraissait ensemble. C'était le bonheur. Ouais, peut-être, mais moi, j'ai bien de me dire à qui à ça que tu connaissais Céline tant que ça. Céline qui? Céline Dion, de l'Angélie, Céline Dion, ne te connaissais pas tant que ça. Ben, si tu me crées pas, regarde bien la cassette que j'ai apportée, madame. Quand Céline était jeune, elle s'était mis une jaquette, mais elle avait chanté à mon honneur. Pas vrai? Ben, question, regarde ça de suite. Oui, je l'adore, mon carrosse. Il met toujours le défrost quand on est dans sa chevelle. Et qu'il me lèche les aisselles. Oh oui, encore un. C'est tout à fait bon de ça. Merci d'Assad de Rasfat de ce divin témoignage. Puis surtout, merci de n'avoir été là. Je suis pas là par tout, moi là. Je suis rien qu'un trucage. C'est-à-dire, ils savent pas, mais eux autres, qui étaient un trucage. Alors, à la prochaine, alors que Binette reçoit... Écoute-moi, ça y est, caresse! Tu fais d'aplomb pour des trucards. À la prochaine, Binette reçoit Dombin Robin. Bon, ben, tu veux un autre game de maison? Vas-y, mon gars, tu fais ce que tu voudras, je te jure, je ne bougerai pas partout. Je te dresse pas. Et là, vas-y, je te jure, je ne bougerai pas. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Way yeah, way yeah, way. way at, way at. Now there you go, there you go, there you go, there you go. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly. Do the peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. That's right. Oh boy. Oh, get sound about it, get a load about it, set on a gear, then fret, load about it, set, get grit, net, set, get set, fret, get met, set, little Lord, and cry, Lord, and set, and got about it, seconds, man, watch, gonna face me about you. Get right, Lord, and bets on a shooting bear, Lord, and shit like board, and fat and all mountain, get red mountain, get a world board. Whenever Ryan accomplish, an ampless. Association of the Swords of the Texas. Thing. It's peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Way yeah, way yeah. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with a baseball bat. Bonsoir. Toujours ton fameux rôle de l'agent LC dans la série Rapport de police, mais pourtant t'es tellement poche comme comédien. Oh, mais trop poche, je pense que je suis un excellent comédien. Me semble. Ouais, ouais. Puis est-ce qu'avec la série là, qui est quand même assez populaire, est-ce que ça t'arrive que les gens te reconnaissent sur la rue? Ah, oui, j'ai encore hier, là, drogue, pout, tout, mon ah, Dieu. Ah, t'es chanceux, y'a pas de danger que ça m'arrive à moi, ça. Ben, tu couches à la ligne blanche comme moi, puis pout, tout le monde s'excelle sur toi. Puis est-ce que ça t'arrive aussi de signer des autographes? Non, ça c'est trop long un peu. Comment ça? Ben, la dernière fois, t'as pris au moins 2 ans avec une aveugle qui me demande un autographe. Un aveugle, en plus. OK. Eh bien, avant que j'y sois oscarisé, c'est un thème que je te montrerai durant le reportage. Alors, on regarde maintenant Rapport de police. Ah, c'est ça qu'on regarde. Il y a un indice. qui est en train de faire de la pêche. Comment ça se fait qu'il fait pas de contrebande, lui? Mais c'est pas tout des voleurs, quand même. Ok, d'accord, ok, l'hélicoptère, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est pas plus sérieux, comment ça se fait qu'elle est tombée? À cause d'un autre affaire que d'un autre, on saura jamais, ça. Tiens, le premier ministre, ça, c'est à cause des hélicoptères, ça. Ah, il s'est tombé les yeux, parfait, de me lancer. Hey, c'est fini, c'est un millionnaire. Hey, c'est un jeune homme. Ouais, mais attends, j'ai un super visage pâle, j'ai pas mal plus top, c'est pas faisable. Hey. Oh, y'a ça, tu sais. Hey, mais là aussi, c'est super Trudeau. Super Trudeau, il flèche tout le monde de même, par où? Pas plus, c'est comme ça. Non, c'est plus, c'est vrai, non, mais c'est bon. T'es sûr que c'était pas plus, c'est ben, c'est la même affaire que ça, mais en avant. And Ozzy Osbourne! All right, Chicago! Let's... I want to hear a real, real crazy crowd start singing with me. Are you ready? Are you ready? I can't hear you. Are you ready? One, two, three, and... Let's go out to the border. Let's go out to the river. Take me anywhere, every lesson new. I don't remember what I have to do. And I've run out of the water. And I've run out of the water. 3 seconds, you're out at the old ball game. Moi, je paye une bière à cette vie qui peut me refaire ça. Let's get some runs. Come on, don't mess around. Let's get some runs, guys. Je pense que les autres ont pris la même drogue que Ozzy. Hey, ça serait pour une confession, mon père. Je m'accuse d'avoir cassé une vitre puis brûlé une maison. Cette valeur, c'était beau chez vous. En tout cas, mon gars, c'est super capoté. C'est super capoté, c'est capoté. DVPT. Cette émission est une présentation des sacs dur Gros et Gatineau. Mettez-les au chemin aujourd'hui, nous les ramassons en 2068 seulement. N-18. G-42. Oh, tabarnak. I-Colisse. Brisé. Hey, c'est quoi ça? C'est pas des numéros de bingo, ça? B-S. B-S. C'est pas des numéros de bingo, c'est même pas des numéros de bingo. Comment voulez-vous que les hommes comprennent les règles de l'amour puisque ce sont les femmes qui les ont? C'est épuisant de dormir les yeux ouverts. If it's a hot, however I hopping, chipping, to hot cloud ever rising, summertime crying, lopping, hopping. Appelez Pizza Hut pour sa nouvelle pizza à croûte mince, croustillante, à souhait. Dorénavant, chez Pizza Hut, vous avez le choix de croûte. Maintenant, 8,99 pour une pizza toute garnie sur croûte pan traditionnelle ou mince. OK, well, life rising's about a crying bin. 595-7474. Pizza Hut, la plus hot. You guys, this is all Kyle's mom's fault. Shut up, Cartman! Kyle's mom is the one that started that damn club, and all because she's a big, fat, stupid bitch. Don't say it, Cartman! Wait! Don't do it, Cartman! Wait! I'm warning you! Okay, okay. I'm getting pretty sick of him calling my mom. Wait! Cause mom's a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, and there ever was a bitch, she's a bitch to all the boys they can. Shut your fucking mouth, Cartman! On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday and Saturday she's a bitch. Then on Sunday just to be different, she's a super king, come A-M-A-M-B-H. Come on, you all know the words. Have you ever met my great cause mom? She's the biggest bitch in the whole wide world. She's a mean old bitch and she has human hair. She's a big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, she's a stupid bitch. Cause mom's a bitch and she's a dirty, dirty bitch. Talk to kids around the world, it might go a little bit something like this. Cette vidéo-là a été vue plus d'un million de fois sur le net. I said what in the butt. I said what in the butt. I said what in the butt. You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay. It's okay if you have a little fight. Don't you worry. I won't bite. Not that hard. If you want it, I'll give you power. Just be gentle. I'm delicate like a flower. Give it to me. Give it to me. Oh, my. What? In the butt. I said what? In the butt. I said what? In the butt. I said what? In the butt. You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay. Celui-là a été vu plus de 56 millions de fois. Je comprends rien. I said what in the butt. I said what in the butt. You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay. What in the butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In my butt? Let's do it in the butt. Okay, it's okay. Smarter to travel in groups. Huh? Qu'est-ce que c'est ça? On a pris des spots. Non, Cosma. Par... Oups, il fait une faute à part. Par Binette. Ni Cosma dit qu'elle était enfermée quelque part puis que t'avais pas de ses idées. Hein? Mais c'est que je suis? Doudou, que je suis? Hein, qu'est-ce que c'est ça? Bonhomme, arrête d'imiter Binette! Mais Cosma dit que ne mourait et que ne pouvait voir un film de ma vie. Ah, fuck! Il est désolé. Mais Cosma dit que ne tombait en bas du 60e étage. La femme, t'es pour l'effet du vent, t'sais. Varnus, là, vous tombiez à 120 dans une zone de sang, là, étiquette. OK. Hey, me passeriez-vous à la femme pour me faire de l'effet dans la cravate? OK. Mais Cosma dit qu'il ne faisait du pouce sur une autoroute pis qu'elle ne poignait pas. Mon Dieu, tu pardonnes, qu'un innocent pas d'où t'es qui vont. Ah, qui te pique? T'as bien taqué, ça se met dessus, je comprends, regarde-moi ça des clous là-dessus. C'était nos cauchemars, pis c'est pas même pas de drogue. Pis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça? On a pris des spots. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck at the Trevin Pamble, I'm a liar. Fuck at the Trevin Pamble, I'm a liar. Yes, right, Lord, Seth, Lord, yeah, my church and family, I'm a liar. Yeah, chupapaya, pachangela kutches. Chupapaya, pachangela kutches. I thought it's exact. No, chupapaya, pachangela kutches. Tries to spoon body chinois. Okay? Tries to super bun body chinois. Trust super bon pottage noise. Okay, Patrician family, I'm a liar. Okay? Wait, my chat and Jensen. Okay? My chat and Jensen. Okay? Poor ass to beckon friends. Poor ass to beckon friends. Poor ass to beckon friends. Die old. Poor ass to beckon friends. Well, I guess Red Lord Bear, Red Snort, Red, oh, Red Snort, Red, oh, well, I guess, man, I want a band in Santa Texas, me church and family, Mariah, okay? Yeah. Justin did an infection, but still Elijah the Prater tried to fail abortion, okay? Yeah. Justin did an infection, but still Elijah the Prater tried to fail abortion, okay? Justin did an infection, but still Elijah the Prater tried to fail abortion, okay? Oh, I'm getting some of them, I don't want to... Whoa, hey, rest, Paula. Rest, Paula. Front of the edge of the glasses. Sorry? Front of the edge of the glasses. Front of the edge of the glasses. Come here. Front of the edge of the glasses. Front of the edge of the glasses. Rest, Paula. Okay, rest like Tony. Rest like Tony? Tony Jack? Tony Jack Ladder Breakers. Tony Jack Ladder Breakers. Okay. Rest like Tony Jack Ladder Breakers. Okay. Yeah, down the man of Texas. Okay. Jim Mariah. Okay. Jim Mariah. Okay. Sure. Okay. I suppose Kulatin. OK, ici un petit cours de galanterie. Voici maintenant la galanterie des enfants. Oh, c'est-tu cute! Oh! OK, master, on a la galanterie des adultes. Oui? OK, de retour au Blépoudre. C'est ça, monsieur, il boit, il m'en donne jamais. Ah ouais, prends un autre gorgée, mon tête gratteux. Hein, j'ai craché dedans. Nono Dio, t'es pas de m'avoir joué à cassette avec. Je pense que je me suis trompé de voix, de choses. On commence. L'autre jour, je me présente à côté de l'honorable Jean Chrétien, et avec tout le respect et la douceur que peut renfermer un bon coup de poing sur la gueule, je lui demande tout doucement, comment t'appelles ça, mon homme, un premier ministre qui saute en bas du pont Hoquartier et qui se casse le cou? Il dit, je sais pas comment t'appellerais ça, toi, mon homme. J'ai un bon débarras. Mesdames et messieurs, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. On a découvert que Chinook n'est pas unique, mais il a une inspiration. Oui, c'est vrai! De retour à Arafat. L'autre jour, je m'en vais jouer au golf avec Jean Chrétien. Moi, j'avais zéro de handicap, et lui, il avait une cinquantaine. Fait qu'on arrive sur le premier trou, mon homme, je pogne mon frère 5, je fesse la balle à patate-claque, et Chrétien, il l'en souhaiterait de sa gueule, mon homme, et on rit de joie. Excuse-moi de t'avoir fait sa gueule, Johnny. Je visais le front. L'indépendance du Québec expliquée aux enfants. Sous-titré en anglais. Dave H. doit être le seul qui doit avoir besoin d'être sous-titré en français. Oh, et ça, si vous croisez ce gars-là, donnez-y 25 cents au moins pour son show. Il fait de la barbapapa. En train de faire de quoi de spécial avec la barbe à papa. Là. We're about ready to rock steady.